Bonsoir. Ou devrais-je dire bonjour à tous et bienvenue au FIMG Night Fever, les festivités intensément amusantes et monétairement gratifiantes de nuit. Nous sommes en direct de Las Vegas, Nevada, Wisconsin, États-Unis, United States, Brian Gosling. Et nous sommes très heureux de se retrouver en cette belle soirée. Oh pardon, c'est vrai, c'est le matin chez vous. Pour parler de l'événement, le plus grand événement de l'histoire de la Formule 1. Pardon, excusez-moi. Le plus grand spectacle de l'histoire de la Formule 1. Après tout, c'est ce qu'on nous a promis. On nous a promis un pestacle. On nous a pas promis un Grand Prix. On a eu un pestacle et on a eu un très beau pestacle et on est très contents. Enfin, je pense, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette émission, que vous l'avez compris, spéciale. Nous nous sommes mis sur notre 31, comme Stéphane. Oui, 62. Moi, à titre perso, c'était un 57, mais il faut avouer que Monsieur Strigoun, je me permets même de dire que Strigoun, vous êtes sur votre 92 ce soir. Comment allez-vous? Ça va très bien, très bien, très bien. Bon, j'ai eu peur de regretter, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Moi, j'ai eu peur de me regretter, de me lever ce matin à 7h, je me suis dit. Putain, non seulement il va y avoir le live après, mais en plus, si c'est pour qu'on se tape 2 heures de drapeau rouge, ça va vite me gaffer, casser les dents. Bon, ça a été, ça va, on en a eu pour notre argent. Voilà, donc du coup, bah, j'ai fait le kit complet, hein, c'est-à-dire chemise, veste, le pape. Il nous avait, quand on a décidé le costume, il nous a dit... Ça tombe bien, j'en ai un à rentabiliser, donc voilà. C'est exactement la phrase, c'est rentabilité. C'est la rentabilité, costume de mariage, hein, de base. Bah, du coup, je m'en sers encore. Ouais. Très bien. Voilà, donc si jamais vous cherchez quelqu'un qui est habillé comme ça à vos mariages, eh ben, n'hésitez pas, Strigoun peut évidemment être votre invité d'honneur. Oui, c'est le costume de témoin, hein. Oui. On va pas se marier avec toi quand même. Il s'habille tous les jours comme ça quand il va voir le foot à Pau, quand il va voir la course automobile à Pau. Monsieur Mula, bonjour, comment allez-vous après cette belle soirée, ce bel événement sportif à Las Vegas? Écoute, très bien, très bien. Je sors du casino. Je suis sur une pente montante. Là, je suis en train de quadrupler mes gains. J'ai hâte que l'émission se termine parce que je suis sûr que je vais continuer à tout augmenter. Je pense que je vous ferai un petit bilan sur Twitter dans la journée pour vous dire où en sont mes gains. Mais je pense que grâce à... De quel gain il parle ? Au casino. Excuse-moi, moi je paye directement des gens pour jouer pour moi, je le fais pas. Nick, il a cru que c'était des gains qui venaient de sa poche, hein. C'est pour ça qu'il pose la question. Par contre, je joue avec l'argent de. Enfin... Comment ça? Hein? Non, rien. On a Michael Duforest avec nous aujourd'hui. Bonsoir Michael. Bonsoir tout le monde, vous voyez, moi je sors en boîte après. Hein. Parce que là, moi je me suis mis à l'heure de Las Vegas. Ah, donc, si vous savez. Si vous connaissez une boîte de nuit qui est ouverte maintenant, ça m'arrangerait. Le Macumba. Le Macumba Night. Le fameux Macumba de Vegas. C'est vrai qu'il est... Le Macumba Night de Vegas. Oui, parce qu'on a Strigoun sur son 92, Tim et moi sur notre 31, et Michael, il est sur son 6,5, 7. 7, peut-être, je ne sais pas. C'est un effort quand même. 7, tu sais, le 7, c'est le chiffre... On va mettre des pépettes. J'attends moi aussi de pouvoir jouer avec l'argent de 1000 d'ailleurs, hein, n'hésitez pas. Débrouillez-vous avec la fondation Michael Duforest, Michael. En fait, Michael, il transpire un peu là, tu sais. C'est le mec, quand tu le vois arriver en boîte de nuit, Axe, Dark Temptation, tu vois, à la bombe. Tu vois, mais bien sûr, non, j'ai pris directement du brut, tu vois, et j'ai mis de l'Axe sur l'aisselle gauche, du Scorpio à droite. Et puis un peu de brut partout, tu vois, comme ça, je suis... Oh putain, alors lui... Là, ça cocotte. Elles vont toutes tomber. Elles vont tomber, pas amoureuses, mais elles vont tomber. Dans le monde de la parfumerie, Michael est ce qu'on appelle un nez, tout simplement. Oui, c'est vrai. Ouais. Merci Gaël, Jacques Bourdais, 5 francs suisses. Une petite pièce sur le 16 rouge. Bon, alors... Non. On va bien sûr aujourd'hui parler du déroulement du Grand Prix, de l'événement général. Ce sera un FIMG Night Fever à l'ancienne, c'est-à-dire en total. Il n'y aura pas vraiment de conducteur que ça. Vous pouvez quand même, bien évidemment, nous laisser vos petites questions, vos petites remarques au dièse fuck, à la hashtag fuck, la Ford Ultra questionnée. On y viendra en fin d'émission. Et Monsieur Strigoun, notre cadre salé, est là pour contribuer à relever tout ça dans le chat. Il est passé en mode incognito pour l'occasion. C'est notre envoyé spécial depuis le garage Mercedes. Comment ça va, Shira? Il est actuellement dans une zone de turbulence. Oui. Bonjour, ça va à peu près, on va dire. Ouais, dans le garage Mercedes, bah, c'est simple. Toto Wolff, après la course, il est rentré. Il a pointé tout un tas de personnes qui traînaient dans le coin. On avait Chira en envoyé spécial, il y avait des journalistes aussi, et ils ont dit à la cave, tous, 7 et 8, ce n'est pas acceptable pour Mercedes. Et puis il a sorti son fouet, il a dit on va devoir passer aux choses un petit peu plus sérieuses, car vous ne semblez pas vouloir comprendre comment ça marche ici. C'est une imitation de Toto Wolff ou de Papa Schulz? J'étais à ça de me demander si on mange du halal, mais oui. Toto Wolff, c'est plus oui, bon, alors on a regardé la performance de la voiture, on sait pas trop comment ça se passe, on n'a pas trop la performance. Lewis, il a fait une bonne course, hein, donc on va regarder ce que ça donne sur le week-end. Oui, c'est à peu près ça. Merci Loki de King 27 pour l'abonnement sur le Twitch. Après, il dit c'était le pire week-end de la saison. Oui, et après, il dit il faut célébrer Las Vegas parce que c'est mon argent qui est en jeu. On vous sent un peu sur la retenue, Toto. Ça n'a pas été facile. Oui, tout à fait. C'était vraiment c'est horrible. C'est-à-dire que nous avons le niveau d'une Lola de 97. C'est pas possible. C'est acceptable. Oui, moi, c'est Suisse. Hein. Écoutez, je fais ce que je peux. Moi, écoute. Non, mais c'est vrai que j'ai pas assez l'habitude de l'entendre parler en français, Toto. C'est pour ça. Mais vu que je sais qu'il parle français, ça rend le travail plus difficile. Mais par contre, je sais que pour imiter Toto Wolff, peut-être pas dans la voix, mais plus dans l'intention physique, il faut se contracter le plus possible au niveau du visage, au niveau du torse aussi, un peu se baisser parce qu'il est grand et il faut qu'il parle aux gens qui sont plus petits que lui. Et travailler énormément les muscles sourciaux pour vraiment montrer qu'on n'est pas très content de la performance au week-end. Et... Oui, de Niro en taxi driver. Ouais, il y a un côté Robert De Niro dans le fronçage de sourcils. Fuck my car, hein. Fuck my car. Mais bon, là aujourd'hui, c'est George Russell, visiblement. Je sais pas si vous avez entendu, depuis le micro de Chira, on a entendu des gros coups de fouet. Je crois que ça, c'était du côté de George Russell pour ses 5 secondes de pénalité qui vont lui valoir une nuit mémorable. Bien évidemment. Madame, monsieur, bonjour, monsieur Mulix, bonjour à tout le monde. Comment dire? Parce que je dois avouer que je suis déçu. Voilà, je suis déçu parce qu'on nous a vendu. Je me rappelle, on l'a vu la semaine dernière, c'était Lawrence Barreto qui nous a fait un article sur F1.com, que quand on veut le lire, faut se connecter au site, sinon on peut pas le lire. Non. C'est un truc sérieux. Ah, oui. D'accord. Mais t'étais pas là la semaine dernière, Strigoun ? Non, mais c'était dans l'autre émission, dans la première de Ça dérape dimanche dernier. C'est vrai. Moi, notre nouvelle émission fait, encore plus méchante. On avait relevé, il y avait du coup cette tribune qu'il avait intitulée « Pourquoi Las Vegas pourrait être le plus grand show de toute l'histoire de la Formule 1 ?» Oh putain. Et c'est vrai que j'en suis venu un peu à cette réflexion. C'est mon côté orwellien qui ressort, tu vois, mais on est dans le novlangue. j'ose le dire, c'est du novlangue. Parce que ce n'est pas le plus grand Grand Prix de l'histoire, c'est le plus grand spectacle. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des Grands Prix, vraiment, mais ça a mis du temps à rentrer dans ma tête, mais c'est vraiment assumé. La semaine prochaine, c'est un Grand Prix, hein, un Grand Prix. C'est Abu Dhabi, quoi. Mais Abu Dhabi, c'est pas un pestacle. C'est joli. Oui. Alors, Abu Dhabi, on enchaîne. Un hôtel qui change de couleur, c'est tout. C'est pas... Il change plus de couleur. Bah oui, tu sais, Michael, un hôtel qui change de couleur, ça peut perturber les pilotes vis-à-vis des drapeaux, tout ça. C'est pour ça qu'il y a une boule géante qui change de couleur constamment. Elle est juste là. Là, on voit plus, mais pendant le Grand Prix, il la faisait passer, mais de toutes les couleurs. Alors qu'avant le début du week-end, ils ont dit, bon, on évite les drapeaux, enfin les couleurs vert, jaune, rouge, bleu, tout ça, parce que c'est les couleurs des drapeaux. Bon, et là, c'est bon, on a eu la Jamaïque, Google Chrome, c'est parti. T'as vu quand il y avait Safety Car, la boue, elle devenait quasi carrément jaune. Oui. Je suis sûr que dans le Colorado, ils ont vu, ils se sont dit, putain, merde, on a refait des Il fait jour. On est reparti, ça y est, ils refont des essais nucléaires. Merde. Comment ça s'appelle? C'est Roosevelt encore. On revient Roosevelt. Oh putain. Et là c'était 50 Shades of Yellow, 50 Shades of Blue. On a eu la totale, hein, parce que techniquement, c'est pas la couleur du drapeau bleu, c'est un autre bleu. Donc, ouais. Pourquoi pas. Oui, enfin super. Oui, les mecs, ils ont allé voir le catalogue Volkswagen. Ils ont dit, ah non, oh c'est du bleu du Népal. C'est correct. Mais c'est, vous avez dit pas de bleu. Bah c'est du cyan, c'est pas du bleu. Oui. Ah, je suis désolé, hein, mais vous avez demandé pas de rouge, c'est du grenat. Ah. Moi, je reconnais. Bon. Prenez vos couleurs, messieurs, s'il vous plaît, quand même. Magenta. Je voudrais pas faire de remarques qui pourraient être assimilées à de la misogynie. Je vais me retenir. Mais je suis désolé. Moi, c'est les Pokémon. Il y en a 151. Point barre. Les couleurs, il y en a 16. Voilà. Il y en a pas. Bordeaux, c'est une ville. Taupe, c'est un animal. C'est pas des couleurs. Voilà. Je le dis. Je m'en fous. Oh, putain. Merci de nous avoir suivis parce que ça va. Quand ouais, ça dénonce non. À ce point-là, ça va mal finir. Mais tu sais pourquoi je dénonce, Michael? Parce que c'est le week-end de la dénonciation. Ce week-end... Ça, dans les années 40, ça passait moins. Ça passait beaucoup moins dans les années 40, je le conçois. Mais quand tu es triple champion du monde en titre, tu peux dénoncer comme tu veux. Et c'est pour ça que je vais revenir un peu à mon point initial. Je suis déçu de ce week-end. Donc, encore une fois... Je suis déçu, car on va dire que globalement, Las Vegas, c'est un événement qui, outre l'aspect marketing qui nous intéresse, n'était pas particulièrement intéressant. Et puis en venant, je me suis dit, mais c'est quand même génial, ça commençait super trop bien. Vendredi, je pense que c'est un des meilleurs vendredis de toute ma vie en Formule 1. Alors, techniquement, Melbourne 2020, c'était un jeudi soir, donc c'était pas vraiment un vendredi. Mais c'était quand même le meilleur vendredi de ma vie en tant que fan de Formule 1. Le samedi, il y avait clairement des signes de « ouh, ça va être génial ». Ça, ça va être génial parce qu'on a eu une des qualifications les plus chiantes de l'année. Ah oui. Et là, je dois avouer que... qu'est-ce qu'on a eu là aujourd'hui? Enfin, je comprends pas. Il y a eu une lutte pour la victoire, une hiérarchie hyper serrée, des pilotes qui se suivent, qui s'attendent. Non, moi, j'ai pas signé pour ça à un moment. Moi, je l'ai dit en plus, je veux des voitures qui se suivent, qui ont tellement peu de traînée qu'il n'y a pas vraiment d'aspiration, que le DRS sert à rien. Bah, qu'est-ce qu'on a eu? C'est pas ce qu'on a eu. Donc oui, je suis déçu. Je suis peut-être médisant, je sais, mais voilà, je suis très déçu de ce dimanche. Michael, si je peux te confier la parole, je te l'envoie virtuellement. Est-ce que tu es également déçu ou peut-être tu t'es dit, ah, c'était quand même du beau sport et tu préfères l'aspect plus sportif, toi, que l'aspect... Moi, je pars du principe qu'il faut toujours être déçu. Je suis très heureux que Tim ait été aussi impressionné par ce passage de parole virtuel. Impressionnant. Je l'aurais pas rattrapé, pour être honnête. Moi, j'abonde dans ton sens. Et d'ailleurs, je suis outré parce qu'on a vu quatre fois des célébrités pendant le Grand Prix. Oui, que 4 fois. Or, moi, j'avais prévu 4 tours avec Will.i.am qui réagit. Enfin, voilà. Enfin, j'avais des attentes. Pareil que toi, j'avais des attentes, des expectations. On n'a pas raté un seul dépassement parce qu'il y avait un hôtel dans le chemin et tout. Donc, non, vraiment décevant. La course était sympa à suivre. Il y a eu un crash qui fait un peu genre circuit oui, urbain c'était old school, ouais, mais c'était au début. Mais donc, voilà, c'est le genre de truc où non, c'est pas ça la F1. C'est parce que tout le monde m'attend bah, que c'est meilleur prix de l'année, ce qui est très chiant. oui, par contre, c'est vrai qu'il y en a qui disent vraiment ça. Mais oui, non, c'est vrai. Enfin, faut admettre que Justin Bieber a plutôt bien agité le drapeau. Oui. Rihanna a des lunettes de soleil. De nuit. Oui. Et j'admets que les deux autres célébrités, je j'ai pas fait gaffe ou je les connais pas. Moi, je comprends pas. La seule dont ils ont mis le nom, enfin, les deux, du coup, c'était Rihanna et Justin Bieber. C'est les deux seuls que j'ai reconnus. C'est pour ça. Oui. Donc, il y en a eu que deux, d'accord. Il y avait Ibrahimovic et il y avait un joueur de US, je crois, qui est investisseur alpine aussi. Il y avait une meuf chez Alpine. Je ne sais toujours pas qui c'est. Elle doit être connue, j'imagine. C'est peut-être une influenceuse, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas la foi. Ah, par contre, si, après le Grand Prix, c'était super, par contre. Parce qu'il y a eu, tu vois, ils ont mis les voitures, après, hop, ils sont rentrés dans la Rolls, ça a duré 25 minutes, c'était beaucoup trop long, c'était gênant. Les fontaines du Bellagio, ça ne servait à rien. Ce pourquoi j'ai trouvé extraordinaire, et je l'ai vu passer dans le chat, Gazou, qui a fait, pour moi, un des screens du week-end, où les pilotes font l'interview au Bellagio. Avec sur l'écran qui passe les pubs et tout, une grosse pub carbone neutral zéro. Et je me suis dit, mais s'il y a un endroit, enfin il y a plusieurs endroits dans la saison où tu peux mettre cette pub là, mais prendre les pilotes dans une Rolls, leur faire faire 25 minutes de route pour les foutre sur un plan de caméra pour qu'ensuite ils remontent dans la bagnole pour qu'ils refassent 25 minutes Attends. Pour qu'ils remontent sur le podium qui est Attends, sur Tim. La piste, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et à T'as Vegas, un truc. Avec des lumières tout le week-end et une sphère qui, à elle toute seule, fait déjà on une plus que la consommation française moyenne mondiale de l'année. Strict, tu voulais dire? Oui, Tim, t'as oublié un détail. T'as oublié aussi le fameux, le merveilleux, le sublime spectacle de son et lumière avec les fontaines aussi à l'hôtel. Oui. Après ça, c'est le Bellagio. Voilà, c'est ça. Je l'ai fait. Voilà, c'était. Je suis trempé. Non, mais voilà, bien évidemment, je pense que toute parodie mise de côté, on a plutôt très apprécié ce Grand Prix. Hein. C'était, La course en elle-même, elle était bien. La course était bien. Après, je vais faire, parce que je suis une merde, donc je vais jouer aux aigris. Oui, vas-y, s'il te plaît, parce que... t'as pas besoin de dire ça pour être une merde. Je pense, merci Strigoun, c'est très gentil, je pense honnêtement que c'est peut-être la seule édition du Grand Prix de Las Vegas qui sera cool, parce qu'elle l'était, parce qu'il y avait un ensemble de facteurs qui étaient réunis, qui ne seront plus là les années suivantes. Oui, parce que chez FedEx, les pilotes connaîtront la piste, que les équipes auront des impacts, que oui, qu'il y a des grèves aussi chez FedEx, ils seront plus là du coup. Mais je pense que voilà, il y avait énormément de choses qui étaient réunies ce week-end pour faire que le Grand Prix était très cool et qu'ils ne seront plus les années suivantes. Oui, bien évidemment. C'est un truc qui va faire réagir, tu vois, il faut du buzz. On est là pour buzz, on est à Vegas. Oui. On fait des shorts. J'en ferai un short, oui, vas-y. Je préfère largement me lever pour voir un Grand Prix comme ça à Las Vegas que Suzuka. Voilà, alors... Tout à fait, il y a un moment, la F1 à l'ancienne, c'est bon, hein, c'est dépassé. Allez, les vieux aigris, vos tracés à la Max Verstappen, moi j'aime les vrais circuits, mais regarde, Suzuka, on s'ennuie, c'était mauvais, Vegas, ça c'est du show, il y a peut-être que 3 virages, mais c'est du spectacle et c'est pour ça qu'on est là, Max. Et franchement, que nous on soit venus juste pour faire la fête et regarder un concert et qu'on comprenne rien à ce que tu fais, et ben c'est pas notre problème. Voilà, c'est pas toi qui te paye. Attends, on peut faire un... Que les choses soient claires. Je dis ça, mais on va consacrer une partie Max Verstappen aujourd'hui. pas sur l'aspect sportif, bien évidemment, parce que ça, on l'a assez fait toute la saison, c'est pareil. Mais il mérite sa tribune aujourd'hui. Enfin, ce week-end, je pense qu'on est d'accord. C'est Max Verstappen est passé de un des êtres les plus clivants de l'histoire à « Ah non, Verstappen, je l'aime pas, mais il faut quand même dire que là, franchement, il a dit les termes. » Le nombre de fois que j'ai vu ça ce week-end, c'était exceptionnel. Oui, mais j'ai bien aimé parce que j'étais pareil. Et puis, il a pris le départ. Et là, je dis « Ah, c'est bon, je peux continuer de... » Je vais pas le blairer quand même, aussi. Globalement, voilà. Ah bah, avec Vicnet, on a pas désigné hein, sur les insultes. Moi, c'est simple. J'ai voulu les rejoindre en vocal Discord, donc Stardust et Strigoon, et je suis resté 2 minutes. Je suis resté 2 minutes. C'était « Oh, c'est nul !» C'était aussi un peu insupportable que F1 Restart ou ça se passait comment? Bah, à la place que ce soit toi qu'on insulte de pute, je te laisse imaginer qui c'est qu'on a insulté de pute. C'est un petit déj, c'est un brunch. Merci de le rappeler, Michael. Merci de le rappeler parce que on s'adapte. On avait dit que ce serait un petit déj spécial, l'émission. On a eu notre goûter des FMG Nature, donc je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai préparé mon petit déjeuner. Donc ici, j'ai mon grand verre de lait American. Voilà. Et des petits chocolats. Prince of Lou. Par contre, ce qui est très bien, ce que j'aime beaucoup, c'est que Strigoon, habillé comme ça, tu vas vraiment à un brunch après. Hein, je veux dire, c'est obligatoire. Il n'est pas bordelais pour rien. Qui trouve du cul. Ça se voit sur sa gueule. Il lui manque juste le petit pull Bordeaux autour des épaules. Et le petit foulard. Aussi. Je suis trop content parce que ça a marché. Putain, mais merde. Oui, c'est le. Oh putain, mais aussi. Mais regarde. Putain, mais. 5 ans. Airfoot Dignité, Mick, s'il te plaît, je veux dire, c'est... 6 à tout casser. Il a la moustache de lait, c'est beau. Il est content. Got milk. Ça, merde. C'est le pire truc à boire du lait quand on a de la moustache. Ouais, j'avoue. Mais c'est vrai que j'avoue, c'est trop chiant quand t'as de la moustache. Ça t'est arrivé en 82, ça. Un jour, j'en ai rêvé. Un jour. C'était cool. Bon, je sais même plus. Oui, c'est non, mais là, il y a l'empreinte Racing Café qui déteint sur nous. C'est trop dispersé. Oui. Oui. Moi, j'aime bien. Bah tiens, Gazou, oui, il aime bien, oui, forcément. Voilà. Ouais, Bean. Moi, j'aime Bean. C'est Bean. J'aime Bean. Bon. Mister Bean. On va pouvoir du coup peut-être un peu remonter ce week-end. Ah oui, j'ai oublié de le recorder. Il y a une question dans le chat qui mérite d'être soulevée. Oh. Les grandes questions. Shira, c'est tacos ou kebab, le petit âge. Un connard. La réponse est claire. Mais c'est très très bien ce que tu viens de répondre, Shira, parce que Michael nous faisait rappeler à juste titre. Ah non. Non, mais Michael nous a remarqué à juste titre que on ne vous insulte pas assez en tant que spectateur, en tant que membre du chat, et que c'est vrai que normalement le mépris de la part de personnes qui parlent en public sur Internet vis-à-vis des chats, des auditeurs en podcast, tout ça, est un mépris assez élevé. Et c'est vrai que j'ai du mal encore avec cet aspect, donc c'est pour ça que merci Shira pour cette intervention et merci Michael pour ce rappel. On va évidemment essayer de faire de notre mieux pour nous adapter aux standards de notre temps. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui nous suivent, ça nous permet de bien comprendre aussi l'impact qu'on a parce qu'on est mieux que vous et donc voilà, c'est important toujours de rappeler ça. Et je le dis avec une chemise blanche, donc c'est vraiment ce que je pense. Bien sûr. Ouais. En parlant de connard, Michael disait justement... Oui. C'est mon deuxième. Il jouait dans le chat. Donc, pour revenir un peu sur ce Grand Prix, alors effectivement, on a eu un départ un peu chaotique avec... J'ai envie de dire Verstappen, on avait oublié avec le temps presque ce genre de départ du oups, j'ai freiné trop tard, oups, j'étais foutu dehors, mais ça va, je suis premier. Et je sais pas si si vous l'avez capté ou quoi, parce que j'ai commencé la course avec Gaëtan et j'ai vite arrêté. Oui, désolé, aujourd'hui, le matin, c'est peut-être un peu trop technique pour moi, le Gaëtan. Il ne l'a pas relevé, mais il y a à la radio, JP lui dit « Ouais, normalement, c'est bon, t'étais devant Leclerc avant de le foutre dehors. » Et Verstappen répond « Ouais, c'est bien ce qui me semblait. » Donc, en fait, il est en train de dire « Ouais, mais j'avais déjà le virage, j'étais déjà devant lui avant qu'il sorte. » Donc, c'est pas comme ça que ça marche. Et franchement, heureusement, cette fois-ci, cette manœuvre a été sanctionnée parce qu'il y a trop de fois où ça passe à l'as en F1. Je le regrette. Ah oui, pas fait exprès. Passe à l'as. Ce week-end, j'ai l'impression que Verstappen en avait rien à foutre de rien. Autant sur la piste, comme on l'a vu là, autant en dehors. Mais le coup en qualif de attaquer Ocon au premier virage de son tour et après en interview de dire il a joué au con, j'ai joué au con. Et là, de dire ouvertement aussi à la radio, ouais, moi je l'ai foutu dehors, mais je crois que je suis devant à l'angle, enfin à la corde, donc c'est bon, ça devrait le faire. J'ai trouvé ça, son week-end, j'ai trouvé fabuleux, honnêtement, de A à Z. Je me suis dit, il en a rien à branler. Ah oui, oui. Ça le fait chier, là. Sur toutes les photos, il tirait la gueule. Il avait pas envie d'être là. Il avait pas envie de participer à tout le week-end. Et il l'a bien montré. Et j'ai trouvé ça très cool. Oui. Alors, ne t'inquiète pas, toute la partie mépris de Vegas vis-à-vis des spectateurs, ça, on la garde de côté parce que là, c'est la partie où on va dire des trucs gentils, donc ça va être, ça va être délicat. Peut-être pas parler de Verstappen, alors. Parce que... Ah oui, non mais vas-y Michael, t'allais prendre la parole. Faut quand même rester dans l'esprit médisant. Bah non, mais c'est que, oui, alors, je suis d'accord sur le côté, voilà, le mec était en roue libre plus totale et c'est très drôle. Mais en piste, là, En fait, c'est que maintenant, il s'en cache même plus. C'est que jusqu'en 2022... T'avais cette impression où il était juste jusqu'au boutiste. Oh, il était un peu... Voilà, il était un peu comme cette citation de David Coulthard qui dit, qui parle à Mika Schumacher, qui dit, mais genre, Michael, ça t'est arrivé, enfin, quand tu as fait une erreur ou quand tu avais tort, c'est arrivé quand? Il dit, non, je m'en souviens pas, pas que ce me soit arrivé, je pense pas. Bah là, Verstappen était pareil, il avait toujours raison et t'avais l'impression de bonne foi. Là, maintenant, il montre qu'il en a plus rien à foutre. Ocon, il joue au con, alors que c'est lui qui commence en faisant n'importe quoi avant. Là, il a jamais décidé de prendre le premier virage face à Leclerc. Et aussi, Max, on a pris 5 secondes pour ce qui s'est passé. Ok, tu passeras le bonjour au steward. Le mépris. Tu leur diras bonjour. Regards, guys. Regards. Et en fait, ouais, parce qu'il est teinté d'un côté du mépris. Moi, ça me fait beaucoup rire. C'est un côté, un mépris disant, ouais, votre décision, c'est de la merde, je suis pas d'accord, vous êtes des cons. Et t'as l'autre mépris qui est de dire, oui, mais de toute façon, vous pouvez m'en mettre 8 des pénalités si vous voulez, y a pas de souci. Moi, de toute façon, je gagne. Je vous mets à l'amende. C'est vrai qu'après, il a l'indécence d'aller gagner la course, quoi. C'est ça qui est exceptionnel. Le problème, c'est ça. Enfin, le problème. Bouh, hater, bouh. Mais attention, pour une fois, sur l'accrochage avec Russell, il a fait ce qu'il fallait. Il était correct. Il a raison sur son analyse. C'est rare que sur un accrochage de Verstappen, vous dites du bien. Même ça, j'ai trouvé ça étonnant parce que je suis à peu près sûr que sur n'importe quel autre Grand Prix, il aurait insulté tout l'arbre généalogique de Russell. Et là, en safety car, pendant la safety car, il a dit calmement à son ingénieur, moi je pense qu'il m'a pas vu juste. Un peu plus agacé, mais oui, voilà, c'était l'idée. Il m'a tourné dessus, je peux rien faire. Voilà. Je l'ai pas senti comme étant. Je pointe du doigt que c'est sa faute, que c'est lui qui a fait une connerie, mais plutôt, je pense qu'il m'a pas vu et voilà, ça. Parce que j'ai une théorie. Après le sprint de Bakou, il l'a maudit sur 39 générations, Russell. Oui, hein, oui, Mais alors, là, j'ai une dis-nous cette théorie, ouais. Bah, c'est qu'en fait, donc, il accroche Russell, tu vois, après on lui dit safety car, machin, et donc il baisse le casque pour changer ses réglages sur son volant. Et je pense qu'à ce moment-là, il a vu qu'il était habillé en Elvis. Et là, il m'a pas vu, c'est pas grave. Parce qu'il y a des choses plus graves. Il y a le fait d'affronter la foule habillée en Elvis Presley, quand même. Ça n'a rien à voir, hein, mais... déjà, j'en ai fait une petite blague sur le TikTok, tout ça. Mais là, il y a eu la cérémonie d'ouverture. Je suis désolé pour le terme cérémonie. Et il y a un moment des musiciens qui arrivent qu'avec des percus où ça fait boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum. Ouais, je le fais très bien, tu vois. Et le premier son, en fait, ça m'a tout de suite fait penser au générique de South Park. Donc, j'étais obligé de m'en moquer, tu vois. Et là, le dimanche, le côté Elvis et tout ça. Enfin, voilà, tout ce côté Elvis, le vieux son des années 50, 60, tu vois, avec le voix bien, je le fais très bien. Avec la jambe qui bouge comme ça, là, pendant qu'il chante. Voilà. Comme on a eu dans le générique, là, c'est où tu sais, la musique, le gars, c'est juste « Oh yeah !»« Oh, hey !» Tu sais, c'est juste ça, mais moi, c'est pour ça que j'adore le son. Mais bref, moi, ça m'a fait penser à Jack Ellen in San Diego, toujours dans South Park, je sais pas si vous l'avez. Jack, je suis le seul à l'avoir. Les musiques de South Park sont phénoménales, mais... Oui, je me rappelle, oui. Oh, c'était top, ça. Tu sais, c'est l'épisode, voilà. Là, où ils font... Bah oui, Jack et San Diego, voilà, où c'est littéralement ça la chanson. Et mais bon, c'est l'ambiance. Du coup, on a eu un Maximus qui nous a chanté du Elvis aussi une fois qu'il a gagné là. Là, ils sont en train de créer un gimmick en fait, à tous les coups, ils créent un gimmick. Qu'est-ce qu'il chantait l'autre fois au Brésil déjà après sa victoire? Bah, du Tom Jones, je crois, non? Je sais plus. Et la semaine prochaine, ils feront encore chanter du Las Vegas. Hey, la semaine dernière, c'était Las Vegas. Ah, oui, Allez-y, moi je dirais pas non à du rail pour rester un peu dans l'ambiance Abu Dhabi. Tellement je t'aime, je pense à toi. non, ça c'est pas ça, Ouais. Tu vas chanter du Aïcha. Oh mon Dieu. Je vais chanter du Khaled. Je pourrais payer très cher pour voir Verstappen chanter du Faudel après une victoire quand même. Ah ouais. Mais on payerait tous pour voir ça. Non mais c'est vrai que il y a effectivement ce côté Verstappenien au départ et ensuite à la fin du premier relais on voit Verstappen qui commence à s'effondrer en termes de rythme, Leclerc qui le dépasse en piste et c'est pas la première fois je crois cette année que ça arrive où on a Verstappen qui est en difficulté à la fin d'un premier relais avec ses pneus. Ah merde, on a reperdu Chira, mince. On a l'habitude à force. Toto est venu. Je sais plus à quelle occasion c'était. C'est vrai qu'il y a 39 millions de Grands Prix dans la saison, donc c'est dur de s'en rappeler exactement. Il me semble que c'était face à Leclerc en plus, donc je suis plus certain de quand c'était. Quand que Leclerc a fait une pole cette année, il en fait trop. Je sais plus, l'Autriche ou enfin. Ouais, vas-y, gère. Pardon. Non, mais il en fait tellement et puis surtout il n'est pas derrière. Je crois qu'avec. Alors Verstappen a dit it's just an incident. Ouais. Mais bon. Il purge sa pénalité, il y a la safety car qui l'aide un petit peu quand même à rester à regrouper rapidement avec le peloton. Et le second relais, c'est parfait. Hein. Pérez, mais il a totalement fait oublier qu'il existait. Et Pérez, on va bien évidemment parler parce que moi, autant je veux bien être en tête de liste quand il faut recontextualiser certaines de ses difficultés, autant quand on va... le mettre en avant, tout ça. Le mec, il était à ça d'avoir le vote de pilote du jour. Je me dis, attends, on va remettre deux, trois choses en contexte. On va y revenir un peu plus tard. Mais il se débarrasse de Perez comme s'il n'avait jamais existé. Leclerc peut pas faire grand-chose aussi. Et ensuite, on le revoit plus, il gagne la course. C'est le 3 milliardième succès de 2023 pour Verstappen, donc il continue d'étendre le record, d'étendre le ratio de victoire sur une saison, ça aussi ça n'a aucun sens. Et puis voilà, donc encore une fois, GG à Maximus, ça semblait, enfin c'est un de ces grands prix, il y en a pas eu beaucoup cette saison, où il a vraiment donné, rappelé que gagner un grand prix c'est pas un acquis, que c'est faut aller la chercher. Je trouve qu'aujourd'hui il a pas démérité du tout. Il y a juste eu cette petite erreur au départ, enfin petite, on va dire ce crime contre Leclerc, et bien évidemment Russell qui l'a attaqué, visiblement. En plus, il avait des problèmes un peu de colonne de direction à la suite de ça, de ce que j'ai compris. Il parlait d'éventuellement le changer pendant l'arrêt, mais ils se sont dit qu'il perdrait trop de temps. Du coup, il a gardé le même volant. Donc, vraiment sublime, encore une fois, Maximus. La Red Bull aussi, qui démontre sa grande force, hein, encore une fois, sur en rythme de course, parce que c'était pas gagné non plus, hein, hier, en qualification. Voilà, je pense que pour Maximus, on peut être que positif vis-à-vis de lui. Je sais pas si quelqu'un a quoi que ce soit à ajouter, parce que on a le jeton numéro 16 à aborder aussi. Je l'aime pas. Voilà, c'est pour rajouter quelque chose, monsieur. Oui, le jeton numéro 1, tu parles. Oui, non, mais parce que mardi, en fait, on va faire l'émission. Oui, il y a Grand Prix. Ouais, mais on va nous dire qu'on est des suceurs de Verstappen, donc je remets un peu le. Je recontextualise le tout. Parce que pour faire un peu la promotion. De Monsieur Duforest, vous faites après chaque Grand Prix, donc c'est le mardi sur le Twitch et le YouTube maintenant aussi, un débrief de Grand Prix avec l'équipe de Next Gen Auto qui s'appelle Grand Prix, parce que bon, je juge pas, hein, moi j'ai une émission qui s'appelle FMG Night Fever. C'est vrai que depuis que vous faites ça, bah, on va dire qu'il y a le côté assez, comment dire, tape dedans quand un pilote est pas très très propre. Et je crois que Verstappen s'en est pris pas mal au fur et à mesure du temps à cause de cet aspect. En plus, je crois qu'il fait pas, en termes de sympathie, l'unanimité auprès de l'équipe. Donc, c'est vrai que c'est assez facile quand il y a le tout qui se réunit et que tu n'arrives pas à écouter au-delà de la critique le message, de dire « il aime pas Verstappen !» Et c'est vrai que c'était une de mes parties préférées de lire les commentaires, hein, je l'avoue. C'est incroyable. C'est pendant 6 mois, on dit « Oh, vous détestez Verstappen, de toute façon. » Et après, c'est l'inverse. Bravo à Verstappen qui gagne sa 82e de la saison. Il a fait un bon week-end. « Oh, bah, vous êtes dans les Verstappen, c'est pour ça. » Ben non. C'est juste meilleur que tout le monde, qu'est-ce que tu veux que je dise, moi. C'est compliqué. Ah, Vincent. Reste 2 en 2023. Merci, Ivan. Le numéro 16 n'a pas super marché. Malgré son. Voilà. Honnêtement, Charles Leclerc, je pense que j'ai rarement... Ça fait très longtemps que je n'ai pas autant souhaité la victoire d'un pilote pendant un Grand Prix qu'aujourd'hui. Parce que habituellement, je me dis, bon, je m'en moque un peu, ça peut être cool si on a un peu de changement, tout ça, mais voilà, je passe outre. Mais Leclerc a fait un week-end assez exceptionnel, je trouve. Il claque une super qualif, et même en Q3, il dit qu'il ne fait pas un bon tour, il est quand même en pole. Pendant le Grand Prix, il lâche rien. On se dit qu'après que Verstappen l'a foutu dehors, ça va être fini. Il remonte. Enfin, au début, il perd beaucoup de temps. Il arrive à remonter. Il va le chercher. Il va le dépasser. Ensuite, c'est du Leclerc. Juste quand il sort des stands, safety car. Il se fait bouffer par Pérez à la relance parce que il a des pneus beaucoup plus frêles, Checo. Enfin, pas de beaucoup, je crois. Il y avait 5 tours hein, de différence entre les deux, j'ai noté. Et on s'est dit, c'est à peu près terminé, mais il a tout de suite réussi à revenir, enfin, à reprendre la position à Pérez. Donc, pour le coup, j'ai trouvé que c'était. C'est une belle démonstration. Et ensuite, bon, il y a Verstappen, il arrive, il les passe. Il y a cette erreur qui démontre que Charles Leclerc n'a pas le mental et qu'il n'a clairement pas ce qu'il faut. Je suis désolé, j'essaye un peu de regrouper le narratif qu'on retrouve sur les réseaux. J'essaie d'avoir une plus grosse communauté que possible, bien évidemment. Fraude claire, hashtag les termes. Voilà. L'erreur en soi, je la comprends parce que on sentait que tous les tours, il freinait vraiment très tard, qu'il était constamment à l'attaque juste pour rester devant Pérez. Enfin, quand t'as un pilote derrière qui est un peu plus rapide sur l'ensemble d'un long relais et qu'en plus de ça, il a l'aspiration et le DRS et que le circuit, c'est essentiellement une ligne droite avec quelques moments où ça change de trajectoire, c'est pas facile de rester devant. Donc, il bloque, Pérez le repasse, on se dit bon allez, doublé Red Bull, il va le chercher en fin de Grand Prix. Là j'admets que bon, c'est pour moi une grosse tape à mettre dans le crâne de Checo, mais tout autant impressionnant de la part de Leclerc d'avoir réussi à reprendre sa place. Et à titre personnel, je ne crois pas que même sans cette petite erreur, il aurait pu aller inquiéter Verstappen après. Non. Voilà, c'était bien, Gilles Leclerc. On fait Pérez ou... Tu veux commencer ? Bah non, mais je suis d'accord avec cette analyse. De toute façon, il a fait le boulot. Et tu te dis, effectivement, il n'a pas le mental en blaguant. Mais ça reste... Oui, totalement. Après, ça reste un truc où quand même, bon, je dirais pas qu'il n'a pas le mental parce qu'il doit... surpiloter par rapport à une voiture qui n'a jamais forcément le niveau pour vraiment être là où il la met. Donc c'est pas simple de tenir à un niveau aussi élevé constamment. Mais c'est vrai que c'est toujours embêtant parce que 90% du temps, les gens vont toujours dire « Oh, mais Leclerc, le pauvre, il a pas de chance, il a jamais de chance, machin. » Mais quand tu regardes de plus près, il y a beaucoup de moments où il a pas de chance, mais où il aura déjà fait une erreur à ce moment-là, qui de toute façon l'aura déjà mis en difficulté, ou il va en faire une après. Enfin, tu as quand même assez souvent une erreur qui va venir rajouter un peu de soucis. Là, il l'a très bien rattrapé, cette erreur. Je ne sais plus si c'est toi, Mick, qui avait mis l'image de Barrichello et Trulli à Manicourt en 2004, mais c'est vrai que tu en as qui sont virés pour moi. Mais c'est bien trouvé. C'est complètement Barrichello qui passe Trulli dans le dernier, à deux virages de la fin. Ouais, il a fait ça très bien. La pole est encore une fois voilà, super. De toute façon, au qualif, il est absolument, absolument dingue. 12 pole positions consécutives non converties. On en est là. Ça, c'est le problème. Ce qui prouve que la Ferrari n'est pas une voiture non plus si. Ben, oui, enfin. C'est une merguez, mais c'est pas non plus. Elle galère encore en course, quoi. Putain. C'est ça. Après, faut idéalement, tu vois, parce qu'il dit aussi qu'il aime pas qu'on lui parle de ce record-là, entre guillemets. Il faut, si on veut être très précis, mais enfin bon, il est 10h48 du matin, donc vous êtes gentil, on le fera pas. Mais il est 2h48. Il est fatigué. Il faut reprendre les 12 et regarder vraiment ce qui s'est passé en course à chaque fois. Pardon. Évidemment, trempe dans le lait. Là, pourquoi ? Le truc. Bah oui. C'est beau. Regardez, 1h49 du matin et il mange des cookies et du lait. C'est beau. C'est magnifique. C'est dégueulasse. Bah oui, tu m'étonnes. mais tu vois, par exemple, je suis sûr que tu vas demander à un fan de Leclerc, il va te dire les 12 dernières non converties, c'est bah ouais. Ah, si Ferrari, c'était pas de la merde, il y en aurait gagné 9. Ah bah oui, je te le dis. Alors que je pense que si tu regardes réellement, il y a un peu des deux à chaque fois, quoi. Et donc voilà, c'est un peu. C'est un Grand Prix qui, je trouve, est très caractéristique de la carrière de Charles Leclerc. Il se fait avoir sur une safety car, il fait une erreur derrière. Le coup de la safety car, quand même, c'est incroyable parce que tout le monde attend, tout le monde se dit ah ouais, il va y avoir une VSC, il faut qu'il plonge dans les stands. Puis là, ça fait un tour, deux tours, pas de WC, pas de safety car. Ouais, bon, bah, il faut rentrer là. Allez, il rentre, il sort des stands, safety car. C'est à se demander s'ils n'ont pas fait exprès, sans déconner. Ouais. C'est hallucinant. Hein. Bah ouais, c'est un tour quand même. Hein. C'est là où je me dis, même s'il n'y avait que 5 tours sur les pneus, pourquoi ils ne l'ont pas refait rentrer? Après, est-ce qu'ils avaient des pneus neufs encore en stock? Ils avaient deux trains en total. Ouais. J'avais regardé, d'accord. Ils avaient deux trains de neufs. Donc ils pouvaient en mettre. Parce que. Ouais. Et après, honnêtement, je pense que. Enfin, sans cette voiture de sécurité. C'était une réelle chance pour lui d'aller chercher la victoire pour le coup à la régulière, quoi. C'est, oui. C'est juste parce que Verstappen est loin, quoi. Et il est encore plus loin après qu'il ait subi ce contact avec Russell, quoi. Au point où même, enfin, on se dit, bah, la seule menace pour Leclerc pendant à ce stade avant la voiture de sécurité, c'était Russell, quoi. Justement, Russell Verstappen qui était bloqué dans le trafic, ils étaient derrière Stroll, hein, je crois, à ce moment-là. Stroll qui s'était pas encore arrêté, enfin, ou je sais plus qui, mais enfin, il avait un pilote entre les deux qui le protégeait, quoi. Il y avait quelqu'un qui avait posé la question justement, est-ce qu'ils auraient pas mieux fait de faire rentrer Leclerc, pardon, à nouveau pendant la safety car pour lui mettre des médiums, mais je suis même pas sûr. Oui, non, mais si en vrai, oui. Ils sont pas si bien tenus. Hein. Ils sont pas si bien tenus les médiums au premier rang. Il a fait 25 tours. Ouais, il a fait, oui, il a fait la moitié de la course quasiment. Ouais, et surtout que. Mais Leclerc. Enfin. Et ça, c'est un truc intéressant. Je crois que la Ferrari marche pas du tout avec le C3. Ouais. Et qu'elle fonctionne extrêmement bien avec le C4, justement. On parle pas de Citroën pour ceux qui sont un peu néophytes. Donc, il avait plus de médium neuf. Oui, non, mais c'est vrai, Lorraine, oui, c'est vrai qu'il n'y a même pas pensé. Mais je dis aussi, on dit, il rentre Leclerc, il perd d'office la position sur Perez. Oui, mais justement, pour moi, je vois pas où aurait été le problème, vu qu'il a réussi à passer Verstappen en début de course, que bon, bah, passer Perez, c'est pas le truc le plus compliqué à faire non plus, parfois, malheureusement, quand il n'est pas en grande forme. Bah, surtout que là, c'est que de la ligne droite, quoi. Tu peux rien faire pour défendre. Il y avait moyen quand même de. Je pense que tu pouvais risquer de dire, bon, ben voilà, parce que là, tu savais très bien qu'en le laissant dehors, ils allaient restarter avec tout le monde derrière lui, tous en pneus neufs. Bon, c'est très bien qu'il ait réussi à rester aussi proche tout le long, hein, je trouve déjà qu'il ait géré ça comme ça. C'était vraiment bien. Ouais. Et puis, on a Perez. Donc, tu voulais te lancer dessus, Michael. C'est il a mené. Oui. C'est mieux. Moi, je suis désolé. J'étais déjà en train d'avoir des flashbacks des visuels King of the Streets, Strike Again. Ah mais moi, je l'ai balancé. Hein, King of the Streets, il est parti. Hein. Mais parce que je le savais quand il était premier et que tout s'alignait pour qu'il aille gagner, je le savais que non. J'ai eu la même crainte et je me dis putain, on est au restart, il est deux, machin, il va déglinguer Leclerc, il va le sortir de son. Enfin, tu vois, je voyais le pilote de F1 conquérant qui va. Et puis bon, bah, il n'a pas du tout fait. c'est voilà, le truc, quand il y a Verstappen derrière lui, mais moi, ça me. Tu te dis, allez, il va lui. Enfin, ils vont travailler ensemble pour remonter la chaîne, et tu vois Leclerc qui se barre, l'autre qui le dépasse comme s'il n'existait pas, et puis qu'il décroche de la caravane. Enfin, c'était encore une fois pas terrible. En qualif, il est encore nulle part. Et je suis désolé. C'est... Alors, 12e, hein, je crois. En qualif, alors, son temps est clairement pas suffisant. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut mettre ça sur le coup de Red Bull, parce que c'est Red Bull qui ne le fait pas ressortir. Oui. Et c'est le seul à ce moment-là, en Q2, c'est le seul à être dans les box alors que tout le monde ressort pour faire un tour. Ce qui, quand même, est très con sur un circuit urbain qui ne fait que s'améliorer et qui. Oui. Qui en plus réouvert la circulation. Donc tu remets vraiment de la gomme des essayables. Donc c'est un peu bête. Après, bon, en soi, le début de Grand Prix était. Il accroche potasse quand même. c'est pas parfait. Mais après. Une fois qu'il a fait son arrêt. J'ai envie de le défendre aussi sur l'accrochage avec Bottas. Il est pris grand-chose. À l'extérieur, il ne peut pas faire grand-chose. Oui, Bottas peine pour éviter Alonso. C'est vraiment du Oui, pour le départ, je l'excuse totalement. Non, et le premier relais en soi est bon. le ouais, premier non, relais, il remonte correctement. C'est pas le Perez qu'on a vu sur d'autres Grands Prix où il est mauvais, il fait des conneries, etc. C'est juste qu'il était pas, il avait pas le rythme. Oui, voilà, c'est simplement ça, quoi. Sa voiture devait avoir. C'est tout. Il était relativement loin et c'est là où moi je trouve ça frappant la qualité de cette bagnole, c'est que il est relativement loin de Verstappen, mais il fait quand même podium. En partant 12, 13, ouais. 11. Ouais, mais 11. Ouais, mais après, enfin, c'est vrai qu'il y a tout ça, mais il y a la voiture de sécurité qui tombe. Oui, c'est le bon moment. Mais... Sinon, il finit. Oui, pour moi, il n'était pas sur le podium, je pense. Ouais, mais après, si. Je pense qu'honnêtement, s'il avait fait une course comme il faisait d'habitude en milieu de saison où il était vraiment à la ramasse, partant 16e, on le met sur une stratégie pareille. Il est 3-4e au moment du safety. Enfin, tu vois, il n'est pas. Bah, il est englué dans le trafic, il ne double pas. Voilà. Donc, bah, je pense qu'il a fait le taf. Il est vice-champion du monde. C'est con, mais ça. Oui. C'est un truc. Hein, c'est officiel. Donc, il est officiellement vice-champion du monde de Formule 1. Red Bull a enfin ce qu'il voulait. Leur doublé au championnat du monde. Ils ont le doublé au championnat après une saison dégueulasse. Donc c'est vrai que là, je me permettre, si vous me laissez, en termes de vice-champion du monde... Dégueulasse, là je vais oser le ranger presque avec Bottas en 2020 qui avait aussi fait une saison immonde sur l'ensemble de l'année, mais la voiture est tellement dominante que bah ouais, enfin combien de grands prix où Perez fait une course dégueu, il finit à 20 secondes de Verstappen mais il est deuxième, troisième. Tu dis ouais, il a rien à faire là, quoi. Ouais, t'ajoutes les courses où il fait des courses dégueu, il finit 9e. Oui, avec voilà. Deux accrochages, 10 secondes de pénalité. C'est fou, quoi. Il y a eu des années où Perez finit 7e du championnat et c'était le héros de la saison, quoi. Le fameux best of the rest deux années consécutives, là, je crois que c'était 2017-2018, où il finit 7e, bah, derrière les trois top teams qui étaient totalement imprenables à l'époque. Vous vous en rappelez comme c'était il y a longtemps? Ouais. Bah, théoriquement, cette année, il est toujours best of the rest. Hein, Oui, c'est pas cruel. Oui, c'est une manière de voir les choses, effectivement. Le premier des perdants. Oui, il y a Eddie Irvine en 99. Oui, ça, évidemment, ça se met totalement dans le lot. Ah. Moi, je pense que c'est pire. Irvine ou Perez? Perez, parce que certes, Irvine, oui, okay, non, ça lui donne une victoire, tout ça, ok, mais au moins, dans des circonstances difficiles, il a un peu tenu la baraque. C'est pour le running gag. Oui. Après, faut aussi admettre que le cas d'Irvine est un peu exceptionnel, parce qu'en soi, il finit vice-champion, mais il a été candidat au titre que sur la deuxième moitié de saison, quoi. Parce qu'au début, il était juste là pour passer la serpillère derrière Schumacher, quoi. Je voulais en parler et on a coupé la chic dans le chat. Oui, mais parce que on a... Turquie 2020, Hamilton prend le 7e titre et Bottas fait son 15e spin de la course. C'est vrai que là, c'était immonde. Et le pire dans tout ça, c'est quand même que l'année d'après, Bottas réalise la meilleure course de sa carrière pour moi. Turquie 2021, enfin... Qui pouvait imaginer que sur une course sous la pluie, Bottas puisse gagner la course, quoi. Surtout que c'était un an après ce qui s'était passé. Enfin là, les 15 têtes à queue, il finit 23e, je crois. Enfin, ils ont été obligés de créer des places supplémentaires au classement pour pouvoir le classer correctement. C'était une catastrophe. En retard sur 26. Ouais, voilà. Enfin, c'est simple. La Turquie, de mémoire. T'as 53 tours, je crois qu'il avait 75 tours de retard. Il y a eu un moment, ils lui ont décompté les tours, tu sais. Attends. Oui, oui. Il vient de finir le Grand Prix de Turquie 2020, ça y est, il vient de passer à Lille. Yes. Voilà. C'est bien. Bon. Shira! Ah, il est mute, Shira. Dommage. Shira, on a une intervention pour toi si besoin. Non, je lui faire péter un câble. Ça, c'est le truc à dire si vous voulez faire péter un câble à Shira New. La voiture est développée pour Verstappen. Putain. Il va nous repartir. Oui, alors non, c'est pas vrai. C'est... Non, mais c'est le coût du machin, la voiture est développée pour. Je pense qu'en termes de sophisme, c'est à peu près au niveau du « Ouais, mais toi, tu peux rien dire parce que tu ferais pas mieux que lui. » Oh, c'est casse-couille, ça. Ouais. Oh là là là. Vous tapez beaucoup sur, sur Perez, eh ben vous avez qu'à monter dans la Red Bull peut-être, si vous êtes plus rapide que ça. Les gens avec, avec la langue qui zozote comme ça. Mais oui, oui, ces abrutis ne s'en rendent pas compte, mais ça se trouve un jour, ils vont dire ça à quelqu'un qui pourrait rentrer dans la Red Bull, faire mieux que Perez. On ne sait pas. Voilà. Ouais, faites gaffe à ce que vous dites. Hein. Ça se trouve, il y a un génie du pilotage entre nous. Un jour, on aura peut-être Isaac Hadjar là, en live avec nous. Et puis Hadjar dira « Perez, je trouve que ce n'est pas une super saison. » Il y a un gars qui dira « Vas-y, va dans la Red Bull, fais mieux. » Et Hadjar est titularisé chez Red Bull. Il sera bon champion du monde. Et il envoie Perez à... et il envoie Verstappen à la retraite. Et là, on va faire… Et voilà. Ah bah voilà, il va revenir ici en live et il va dire oui du coup la saison de Perez. Oui, alors disais... après il va être un peu moins bon. Perez va dire je trouve que la saison d'Hadjar elle est pas telle. Bah vas-y fais mieux. Ah bah non tu peux. Alors Monsieur Manuel Touzeau qui dit stats qui piquent, Verstappen n'a pas perdu aux États-Unis depuis 2019. Non, ça pique pas avant de prendre conscience qu'il y a 3 Grands Prix des États-Unis par an. Faut donner le nombre de grands prix qu'il y a eu, pas depuis l'année, parce que 2019, 2020, il n'y en a pas eu. 2021, du coup. Ensuite, oui, voilà. Donc 2019, 2021, ensuite 2022, on en a 2, et 2023, ça fait 3, donc ça fait 7. 7 grands prix. Ou Verstappen, 7 grands prix aux États-Unis consécutifs qui remportent. Écoute, pour un mec qui en est à sa 19e victoire, 18 e victoire. Ouf. J'allais me dire 19, c'est beaucoup. Bon, il en est qu'à 18. T'as pas vu l'autre stat qu'Emmanuel Touzeau il a sorti derrière. Vas-y. Il a commencé l'année 2022 en étant 17e au classement des victoires. 17e. Aujourd'hui, il est 3e. Égalité. Et. Voilà. C'est vrai qu'il a passé Prost la semaine dernière. Enfin, égalé Prost la semaine dernière. Là, il le passe. Il a 52, c'est ça? Non, 53. Là, il vient d'égaler Vettel. Ah oui, d'accord. Pfiou. Ça va vite. Merci. Hein. Merci, Max. Ça me permet de me rappeler que Vettel a 53 victoires, ce que je trouve être beaucoup. Oui. Mais c'est... En fait, ce qui est embêtant. Alors, là, petite digression, mais. On était là, nous, en 2013. Je peux le dire comme ça? Oui. Oui. Et vous étiez là en 2013, enfin, Tim, je crois, Strigun, plus trop. Oui, si, 2013, okay. Encore un petit peu, c'est à partir de 2014-2015 qu'on voit un peu plus. On était là, nous, en 2013. Et quand il en était à combien? Une 35 victoires, quelque chose comme ça, 40. Je sais plus combien il en a gagné chez Ferrari, une petite dizaine, je crois. Donc, il a fait une quarantaine de victoires chez Red Bull, 4 titres. On s'est dit, mais c'est énorme, c'est indécent, quoi. C'est indécent, le mec, 4 titres, 40 victoires en 4 saisons, et c'est indécent. Et là, aujourd'hui, t'as Verstappen, qui dans la même équipe, à peu près le même contexte, en est à 53 victoires, à égaler le Vettel, qui a terminé sa carrière. Tu te dis, mais il s'arrête, arrête, laisse-en aux autres. C'est-à-dire que Vettel a gagné 38 Grands Prix chez Red Bull. Oui. De 2009 à 2013. Là, Verstappen, il a gagné 33 depuis le premier Grand Prix de 2022. En deux ans. C'est... 33 victoires en deux ans. Non, mais c'est inconcevable. Si tu prends les victoires, il a dépassé Alonso, du coup. Oui. Oui. En deux ans, il a gagné plus de victoires qu'Alonso dans sa carrière. Il est septième du classement des victoires en deux ans. C'est possible. Après, il y a beaucoup plus de courses aussi. Donc c'est... Quand tu tombes avec la voiture dominante et que tu es le meilleur pilote ou le pilote le plus en forme de la grille, le combo fait que sur 25 Grands Prix, forcément, tu en gagnes plus que les autres sur une saison à 15 Grands Prix. Oui. Oui, mais Iron Mechanic qui dit dans le chat, il y avait moins de grands prix avant, attention. Mais justement, c'est une des raisons pour lesquelles je râle sur le fait qu'il y ait autant de courses. Moi, je suis désolé, mais Hamilton a 100 victoires. Schumacher en a 91 déjà. Et Schumacher, ça a été quand même au long d'une super longue carrière. Hamilton, on va pas dire que sa carrière est terminée, mais il a aussi une carrière très longue. Quant à Verstappen, qui en est à 8 ans, 9 ans en Formule 1, qui a 50 victoires en F1, c'est énorme, quoi. Et vu qu'on semble parti sur un concept de F1 R à domination, donc là, c'est la Red Bull, après, ce sera une autre équipe qui va dominer tout ça, ça veut dire que... On va continuer à enchaîner des aires de domination comme ça, avec des stats qui... Bon, je ne veux pas dire que les statistiques, ça veut dire grand-chose de base, mais là, ça voudra encore plus mieux rien dire, quoi. Bah, ouais, mais moi, après, quand on dit, attention, il y avait moins de Grand Prix avant, oui, mais les enfants, c'est... D'accord, oui, Ascari, il y avait moins de Grand Prix. Ok, ça, je peux concevoir. Ok, Nigel Mansell, il y avait moins de Grand Prix. Mais enfin, Vettel, il y avait 19 et 20 courses à sa saison quand il domine. Hein. C'est pas non plus... c'était à 10 ans, pas... c'était déjà des saisons à rallonge. Il a 2-3 courses de plus par an, Verstappen. Voilà, il n'y a pas une telle différence, quoi. Oui, c'est pour ça que ça se compare pas trop mal en termes de quantité. Bon, je sais même plus où on en est sur tout ça, mais il y a du positif, évidemment, du côté de Verstappen, de la tristesse dans le clan Red Bull, enfin, plus un côté un peu pathétique, si vous me permettez. Et chez Alpine, alors... comment définir le climat actuel chez Alpine, Tim, pour toi, après ce Grand Prix? Frérot, mais pas trop. Frérot, mais c'est où? C'est au Japon où il y avait déjà eu mes aventures, là où il y a eu... J'ai mis du lait sur ma cravate. La bataille en piste avec le hold position et dans la foulée Ocon qui attaque et qui double Gasly. Après c'est des pilotes, ils font la course. Voilà. Vous avez dit que la bromance, il n'y avait pas. La bromance, c'est. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de choquant là-dedans. Et on sait que les deux ne sont pas les meilleurs amis du monde. Ils s'entendent bien, ils sont professionnels et il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis même on l'a vu là depuis deux jours avec Mick en regardant le documentaire sur Braun sur Apple, Button et Barrichello qui sont super potes hors de la piste pendant toute la saison. En piste ils se faisaient aucun cadeau et voilà, c'est des compétiteurs, donc en piste moi ça me choque pas qu'il y ait des tensions comme ça ou que ça se fasse entre guillemets la guerre. C'est à l'équipe après de mettre les barrières, les limites et de dire ok, là ça vous le faites, ça vous le faites pas et puis basta. Et après sur le côté sportif, bah, c'est plutôt un bon week-end quand même d'Alpine qui est alors un peu en dents de scie, mais c'est je crois la qualif de Ocon qui est un peu manqué L'incident avec Verstappen. Oui, tout à fait, mais voilà. Mais par contre, il fait une super course, il remonte très très haut par rapport à... Il partait 16 et il remonte... 4. 4. Enfin, il finit 5, mais Russell a 5 secondes. Donc, mais non, la perf est très bien et à contrario, Gasly, lui, fait une super qualif et en course, jusqu'à un certain moment, était... Il a eu des problèmes de batterie. Oui, mais jusqu'à jusqu'à la mi-course peut-être ou au tiers. Ouais, bah, au moment où Ocon l'a passé, c'était là, je crois. Ouais, c'est un peu plus de la mi-course. Il était dans le top 5. Bah, il jouait le podium au début presque. On tape un peu large. Ouais, bon après je pense pas que la voiture avait le rythme pour aller chercher le podium non plus, Mais c'est vrai que pendant au moins le premier tiers de course, il était collé ou plus ou moins proche du quatuor de tête. Donc, franchement, très bon week-end d'Alpine. En plus, ils avaient une super collaboration avec des super vestes que moi, je trouve très jolies. Donc, j'étais très content. Et voilà. Pour une fois qu'ils font un truc qui me plaît bien, Alpine, j'en profite. Je les encense pas souvent, mais voilà, là, je peux le faire, donc je le fais. C'est mon quota de la saison. Voilà. Non, mais moi, je suis je rejoins Monsieur Touzeau dans le chat. Pour moi, il n'y a même pas de tension, en fait. Au moment où on dit à Ocon, hop, on garde les positions telles quelles, c'est débile, c'est d'une débilité extrêmement profonde. Quand je parle de tension, je ne parle pas des deux qui se font la guerre. Oui, bien sûr. Forcément qu'il y a une tension. Même si tu prends du Hamilton-Russell où ça a l'air de très bien se passer, forcément que s'ils sont l'un derrière l'autre en piste pendant 20 tours, il va y avoir une forme de tension qui va s'installer. C'est évident, c'est logique. Oh, moi, je suis désolé si tu suis les comptes hooligan fan d'Hamilton. George Russell est la pire chose qui soit arrivée à l'humanité depuis les années 1920 en Autriche, ouais. Pologne, Allemagne, tout ça, VMVC. C'est un artiste. Voilà, un peintre. Voilà. Littéralement. Un peintre, oui. Factuel, c'est factuel, oui, pour le coup. Certains diront que c'est un artiste raté. Moi, je dirais plutôt que... Non. Non, mais parce que bon... puis là, ça devient... Ça dérape. Ah, on m'a fait le jackpot sur la machine Goodwin là-bas. Yes! La machine. Ouais. Non, mais bon, il voulait faire de la peinture, ça marchait pas. Il a essayé d'exprimer son art à travers la peinture, ça marchait pas, il a essayé autre chose. On parle encore de lui aujourd'hui. Oui, bah, non, mais voilà. Voilà. Beethoven, tout ça, voilà, ça va s'inscrire dans Ah, bon sang. On est très alcoolisé, c'est Vegas, c'est 3h du matin, c'est pour ça. Oui, absolument. Vous voyez que ça passe Non, mais plus sérieusement, disais-je, chez la consigne contre... fallait le faire dès le début, Michael. Oui, Mario, t'as vu l'heure qu'il est, moi j'ai pas l'habitude de me coucher. C'est les vapeurs de l'Axe qui l'ont fait oublier de mettre le truc. Attends, faudrait que je remette, d'ailleurs, vous avez pas dû... Je vois bien avec tout son vidéo. Tout me Oui, je dis tout ça, toute mesure gardée, bien sûr. C'est comme dire à quelqu'un, alors, sans vouloir t'offenser, je trouve que t'es un gros con. Sans vouloir dire que c'est un... Le prends pas personnellement. Avec tout le respect que je te dois, t'es un sacré connard, mais avec le respect. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup... La consigne, disais-je, je la trouve totalement débile, parce que tu peux pas faire un hold position quand tu es dans un grand prix où tu dois avoir je sais pas 5 km de ligne droite en tout sur les 5,1 km du circuit et où tu es il reste la moitié d'un grand prix et où tu es dans un peloton de 6-7 voitures qui se suivent en fait parce que tout le monde va se doubler et quand tu vois à quel point Gasly mais s'effondre ça avait pas de sens et puis en plus alors, il faut quand même admettre que Ocon, il va chercher la place et il fait un super dépassement. Et c'était un truc que je voulais souligner, au-delà d'un excellent rythme en course, tout ça. Moi, il a continué de m'éblouir aujourd'hui. Là, le dépassement qu'il fait sur Logan Sargeant en début de course, il le prend à l'extérieur de mémoire. Rapide, là. Ouais. Il le prend à l'intérieur du 1 et il finit à l'extérieur du 2, c'est ça? Ça doit être quelque chose comme ça. Je n'ai plus assez noté. Je me suis juste noté qu'il y avait eu un dépassement assez incroyable et qu'il en a enchaîné 2-3 autres très sympas. Et celui sur Gasly, j'ai trouvé aussi excellent. Pierre Gasly, excellent boulot en qualif. Malheureusement, pas de bol pour le Grand Prix. Et c'est pour ça que je disais que ce serait marrant d'avoir un petit avis global d'Alpine, parce qu'en fait, on est sur un week-end à la Alpine, un peu comme pour Leclerc chez Ferrari, on a un week-end à la Leclerc. Où t'as de tout, en fait. T'as la voiture, une des deux voitures qui marche très bien, ou l'autre, il y a de la cacahuète ici et là, de la fiabilité qui vient ruiner le truc, mais il y a quand même une démonstration de potentiel. Et le pire, enfin, alors Charagnou est toujours porté disparu. Là, je pense que c'est son tour, à son tour de recevoir les coups de fête Toto. On rappelle que il a eu le malheur de passer dans le stand Mercedes à ce moment-là et Toto avait décidé de punir les gens qui étaient là pour se défouler. Et ça n'a aucun sens chez Alpine, en fait, ce qui se passe, parce que d'un côté, on a une voiture qui semble pas avoir un moteur très probant. Hein. Rappelons ce qu'était Monza, c'était une catastrophe. Et d'un autre côté, on a eu une course sur ce tracé de vitesse qui était assez excellente. Merci Mathieu pour l'abonnement, quatrième mois d'abonnement du Twitch, RIP la plaque d'égout. On pense tous à elle. Et Louis qui nous dit bouah. Bouah. Ah. Voilà. Je le fais bien. Je le fais bien. Ouais, bah, c'est l'alcool ça, Mike. Exactement. Voilà. Bon, côté Alpine, c'était plutôt probant. Chez Aston Martin, là, Lance Stroll termine cinquième. J'ai absolument rien compris à comment il s'est retrouvé là. Parce que, alors, je sais qu'il y a un coup de safety car. Il y a un coup de safety car qui tombe très bien. Parce que Lance Stroll, il fait partie de ces pilotes qui ont beaucoup retardé leur premier relais et qui ont eu pas mal de choses. Ouais, voilà. Ouais. Mais le truc, c'est que, il s'arrête pas pendant la safety car de mémoire, mais il ressort juste, au très bon endroit et il ressort avec pas mal de chances de se retrouver là. Il est dans une zone, morte, un peu. C'est-à-dire, il y a personne devant, mais il y a personne derrière. Du coup, il perd pas de position, il se retrouve pas englué dans des trains de DRS ou quoi, et ça lui a permis de ramener une très belle cinquième place pour Aston Martin. Michael, tu sors la casquette de la mauvaise foi. Oui, parce que je trouve que oui, c'est bien gentil, Stroll, il fait cinquième, tout ça, mais enfin, la vraie perte du week-end, c'est Fernando Alonso. Excellent, le week-end. Ouais. Mais il a été pris dans le caca du départ. Hein. Bah, il a été pris, il a été pris. Ouais, il a causé. Il a chié la merde quand même, là, excuse-moi. C'est lui qui a fait le bel étron quand même. Ah, j'essayais de suivre la mauvaise foi, mais je vois que tu as rendu la casquette. Il a pas été bon ce week-end, enfin ce dimanche en tout cas, ça arrive. Mais il fait quand même, bah, quand même des points, je crois. C'est quand même assez. Hein. Il a raté les freins pour le virage. C'est... Oh, non, il n'a pas raté les freins, il a freiné au même endroit que Leclerc et Verstappen, sauf qu'il y avait 10 voitures devant lui. Voilà, c'était pas pareil. Il fait 9. Il marque 2 points. Bon, c'est déjà. 2 points, ouais. C'est déjà pas mal. Par contre, une fois que c'est Stroll qui fait plus de points que lui. Hein. Mais tu vois, je le sens. Mais oui, c'est ça. Mais Stroll a fait le boulot et il se reprend depuis 2 courses. C'est quand même assez. C'est bien. C'est pas comme s'il y en avait eu 22 avant, quoi. Non, c'est en ça va. La mauvaise foi. Il va venir en interview comme avait fait. Moi, j'ai mon pape, je vous emmerde. Voilà, la mauvaise foi. Il va venir en interview comme t'en as certains qui viennent et qui disent oh, vous savez, pour moi, nous repartons à zéro ce week-end. Il y a un championnat, une course, et c'est là que tout se joue, et nous sommes repartis à zéro. Mais voilà, Stroll, pour une fois, fait le boulot, effectivement, et ça fait 2 courses où il est très bon. Ah, le problème de Stroll, c'est pas qu'il fait pas le boulot d'habitude, c'est qu'il le fait pas le samedi. Ouais, mais enfin, il y a des dimanches où il était vraiment pas bon non plus aussi. C'est le problème, parce que d'habitude, il est bon le dimanche. Mais globalement, les dimanches le sont pas dégueux. Après, ça aide quand tu pars 18e de faire des bons dimanches. C'est évident, mais... Tu peux toujours te rattraper, en fait. C'est ça, oui, voilà. On va faire pire. Tu as tellement fait n'importe quoi le samedi que, de toute façon, le dimanche, tu n'as pas le choix. Il faut mettre la main au charbon, quoi. Mais par contre, pour Alonso, moi, je crois vraiment... J'avais, en tout cas, cette impression, je ne sais pas si si vous avez eu la même impression que moi, qu'aujourd'hui, il n'était pas dedans. Et, Alonso Ouais. Et moi, je l'ai trouvé dedans plein de pilotes, moi. Oui, non, mais voilà, techniquement, voilà, il a... Mais je veux dire. Alors, ne pas détourner cette phrase, s'il vous plaît. Il avait déclaré l'autre jour que la F1, c'est pas le football, c'est un sport difficile. Mais oui, ça répondait à la question de est-ce que le jet lag, c'est facile. Et il a dit non. Et je pense sincèrement que là, on est sur un Grand Prix où on a vu il n'a pas dû se mettre complètement à la bonne heure, machin. Ce qui n'est pas facile quand on te dit que tu dois rouler à minuit, enfin même à 2h du matin. Alors, soulignons quand même que jeudi à 2h du mat, première séance d'essai libre, au bout de 7 minutes, il est à peine réveillé, il a une plaque d'égout qui lui fonce dessus. Pardon, wow. Et il t'a fait le coup de ninja. Ninja ! Il l'a évité comme ça, Ocon, il a fait « Oh putain, punk !» Il s'est pris dans la gueule. C'était, oui, alors là, il était bon. Bah, il a fait, mais il a fait complètement comme Zotanto, voilà. Qui a évité, on me rappelle, dans Driven, une plaque d'égout en faisant comme ça. C'était... Oui. D'ailleurs, tu as remarqué le petit hommage dans le générique, hein, la plaque d'égout, on y a pensé. Bien sûr, non, mais c'est très... Magnifique. À ce vraiment, générique, j'espère qu'il sera dans Blabla FR VOD. Ah oui, merci. Il a absolument mordu. Moi, je tiens à saluer le fait que sur l'image que tu utilisais pour faire votre promotion, ma tête, on a juste l'impression qu'on a mis des lunettes à Daniel Ricciardo. Oui, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. C'est incroyable. c'est prodigieux. Mais voilà. Pour c'est sûr que ce n'est pas les génériques du Racing Café. Hein. Ouh là là. Excuse-moi, si tu arrives à faire un truc aussi bien que Gaël ou James Le Chour, tu me préviendras. Ça, c'est fantastique. Mais le reste était pourri. Ça, je ne conteste pas. James Le Chour. Ah oui, dans Las Vegas, le black dans Las Vegas. En fait, il se retourne et Gaël, il fait juste une offre. En étant un peu très heureux et ça marche incroyablement. Ah oui, Las Vegas, oui, c'est la série qu'on a regardée, Nick, après, pour comprendre leur truc. Hein. Oui, on essaie de comprendre d'où vient votre générique. Vous connaissiez pas ? Non, je n'ai pas envie de connaître. Hein. Bah, alors, tu regardes 2003-2006, hein, déjà quand ça fait 3 ans seulement, en général... Honnêtement, je pense que j'en ai entendu parler à l'époque, mais ce qu'il y a, c'est que il y avait tellement de séries dans ce style dans les années 2000. On va faire NCIS, ça marche. On va faire NCIS Miami, et puis on va faire NCIS Las Vegas, et puis on va faire les experts, les ch'tis. Enfin, tu vois, ils t'ont fait, mais toute la saga, quoi. Et ça marche. Oui. Moi, je suis désolé, je vais faire une aparté parce que Monsieur Rupteur vient de m'envoyer quelque chose. Et une photo de sa couille, non, parce que c'est ce qu'il nous envoie, donc... Non, il me l'envoie sur son autre compte. Ah. Puisqu'il sait que on partage une passion commune et qu'on en a parlé l'autre fois, la preuve que la com... des célébrités fonctionnent puisque on avait Zach Braff qui était présent avec Donald Faison de Scrubs, donc voilà, moi ça me suffit à dire Las Vegas est une réussite, voilà. Un autre héros du week-end, un héros malchanceux, non pas toi Michael, Carlos Sainz. Carlos Sainz termine sixième. Quoi ? Oh ! Oui, il n'a pas de chance. Bah oui, c'est vrai. Franchement, alors, on a eu 2-3 occasions sur cette fin d'année de dire que Sainz avait fait un super boulot. Mais là, encore une fois, il faut admettre qu'il a fait un très bon week-end aussi. Très proche de Leclerc tout le long du week-end. La pénalité qu'il subit, bon, on se la garde peut-être pour plus tard, mais je pense que on a tous été choqués. Choqués, monsieur. On a été choqués de cette pénalité. Il remonte sixième dans une course qui n'a pas été facile, puisque il s'est arrêté tout de suite en début de course, pendant la safety car aussi. Il a dû s'arrêter. Et il remonte finalement en sixième position. C'est pas mal, c'était assez discret, mais je pense qu'il pouvait difficilement faire mieux. Et moi, c'était un peu mon regret quand je voyais la lutte entre Leclerc contre les deux Red Bull. Je me disais, mais ça aurait été énorme si Sainz avait été dans le coup d'avoir deux Red Bull contre deux Ferrari. Ça aurait été génial. Mmh. Parce que on n'a pas eu hein, cette saison vraiment d'avoir une lutte pour la victoire entre deux équipes, enfin entre deux pilotes d'une même équipe et un autre pilote. C'était souvent un contre un, tu vois. Enfin, quand il y avait une lutte pour la victoire, c'est-à-dire à 3 occasions. Donc là, ça aurait été vraiment très cool. Mais bon, malheureusement, pas très chanceux pour Ferrari. Et évidemment, on gardera quelques mots doux de Vasseur pour plus tard dans l'émission. Bon, Hamilton, Russell, 7 et 8. une opinion sur le week-end mercédesien. Très bon de Russell, je trouve, à part cette erreur qui lui coûte finalement la quatrième place. Le deuxième pire Grand Prix de l'histoire de Mercedes après celui du Brésil, voilà. Ouais, non, mais ça fait. Bien non, moi j'aime bien parce que ils ont enfin les résultats qui collent avec la perception qu'on en a depuis le début de l'année. Parce que c'est-à-dire que quand t'écoutes les gens depuis le début de l'année, c'est oh, mais c'est la cinquième force. Elle est encore pire que celle de l'an dernier. Vous vous rendez compte, c'est une eurobrin, c'est pas possible. Et puis ils sont là à dire bah, bonjour, podium, on est deuxième du championnat. Et là, voilà, ils sont 7 et 8. Alors évidemment, les fans de Mercedes disent mais vous vous rendez compte, c'est affreux. Les fans de Haas les regardent en disant ah là là là là. Le fan. Enfin, le oui. Le fan de Haas, du coup, tout simplement. Oui, bah Gunther, quoi. Alors, je crois que le fan, il s'appelle Gunther. Alors, moi, justement, j'allais dire que la voiture, fondamentalement, n'était pas mauvaise, parce que Russell, encore une fois, en qualif et à la régulière, enfin, c'est quatrième. Maintenant, Russell, il fait la connerie avec Verstappen et Hamilton avec Piastri. Donc, les deux se sont tirés une baballe dans les coucouilles. Et tu peux te dire que c'est aussi des points un peu de perdu. Tu vois, quand tu fais une mauvaise qualif aussi. Oui. Hamilton, pour Hamilton, ouais. Ouais, oh. Pour le coup, il fait une mauvaise qualif et lui-même le dit à la fin de son tour en Q2. Et très, très essoufflé. Là, j'ai trouvé ça assez étonnant. Mais très essoufflé, sans améliorer son temps, en dire je ne pouvais pas aller plus vite. Et en étant relativement loin. Quoi. Donc, Mais après, pour être honnête, ça, c'est un des problèmes de ce genre de circuit aussi. C'est que 30 milliards de lignes droites, de virages, au bout d'un moment, tu ne peux rien faire quoi, sur un tour. Si tu fais une petite erreur ou quoi, ça oui, se joue puis, vraiment à rien du tout. Quoi. Pour le coup, la Mercedes n'est pas réputée pour sa vitesse de pointe non plus. Donc, ouais, mais tu vois, c'est là où, par exemple, quand Nick, tu dis la voiture n'était pas mauvaise ce week-end et tout, moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, tu peux plus. Je n'arrive plus à dire une voiture est bonne, une voiture n'est pas bonne, en fait. Parce que. Fut une époque, il y a très longtemps. Il y avait une époque, il y a quand même au moins 3 ans, ça remonte, où, ok, la voiture est bonne, et ben le mec, même s'il est nul à chier, il se qualifie 6e, tu vois. Voilà, oui, oui, oui. T'avais des blocs, je parlais de l'ère 2017-2018. C'est ça. 2019, c'est affreux. Les 6 premiers, ils visent avec une minute d'avance sur le 7e, c'était terrible. Quand tu dis que Gasly, en étant à une seconde autour de Verstappen, on lui demande juste d'être 6e, c'est pas grand-chose, c'est quand même terrifiant. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, tu peux pas me dire. Je trouve qu'il y a plus de. Alexis a raison, oui, tout à fait. Je vais d'ailleurs le faire tout de suite. Voilà. C'est important. Mais par exemple, tu peux pas me dire. Oh, l'Alpine était bien ce week-end, machin. Non, parce que c'est un circuit qui est fait que de ligne droite. À Monza, ils sont catastrophiques. Ils auraient donc dû être catastrophiques ce week-end. Ce qui n'est pas le cas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, t'as plus ces forces, ces faiblesses. Enfin, la Red Bull est forte partout, tu vois, si tu veux. C'est facile. Donc, c'est pour ça que j'arrive pas à dire est-ce que la Mercedes était vraiment bonne, est-ce qu'elle est vraiment pas bonne, machin. Et donc, tu dois beaucoup plus te fier aux performances individuelles des pilotes. Et là où je vous rejoins, c'est qu'Hamilton et Russell ont fait tous les deux des conneries. Et donc. Là, il faut. Surcoté, hein. Surcoté. Oui, non, mais Hamilton, honnêtement, il a 6 titres de trop. Mais. voilà, et puis Russell aussi, d'ailleurs. Bon, au moins 6. Donc, je pense que. Voilà, c'est Mercedes, ils vivotent un peu, ils ont une voiture qui n'est pas si mauvaise, mais il faut que tout soit réuni tout le temps, et là, ce n'est pas le cas. C'est vrai que j'ai oublié de le mettre dans le chat, je vais le faire. La campagne Movember de Fromule Balabala, je vais vous l'épingler. Si tu peux le faire sur Twitch, stream. Oui, oui, bien sûr, ouais, je peux le faire. Ouais. Ah, faut que je vous montre un truc, c'est génial. Tu utilises le YouTube Studio, Michael, quand tu es en live? Parfois, oui. Attends, tu vas voir, c'est trop bien. Vidéo, screen. Je vais partager mes données avec le monde. Oh, regardez, c'est nous. Ça va pas être déçu quand je vais mettre une vidéo sauvage sur la chaîne de Formule 1. Alors, admettons, je veux épingler un message, tu vois, faut cliquer sur les 3 petits points ici. Mm-hmm. Épingler, voilà. Mais si je voulais, par exemple, oui, machin, allez, dégage le message. Si je voulais épingler ce truc, bah, je peux pas. Il y a le truc de réaction qui apparaît. Okay. il me saoule. Oh, quel enfer. Ouais, je vais vous livrer des secrets de fabrication. Parfois, il peut m'arriver dans le Racing Café, si vous me regardez de près, vous me verrez parfois faire, tu vois, des têtes un peu bizarres, des bougeages comme ça, là. Ah oui, oui, il est bizarre, là. Non, mais dit comme ça, on dirait François Cluzet dans un touchable. Et du coup, en fait, c'est parce que j'ai cette putain de réaction qui est devant le dernier mot du message de quelqu'un et j'essaie de décrypter le truc. Et c'est insupportable. Ouais, c'est... YouTube, on démonte. C'est de la merde. On fait comme on peut, hein. Enfin bon, voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y a un truc à faire gaffe maintenant, je crois. Quand tu fais un live YouTube et Twitch, il faut faire gaffe. Il y a une histoire comme quoi il y en a un des deux qui peut gueuler. Oui, alors oui, non, en fait, non, oui. Moi, bon, qui viens de gueuler. À la base, oui, mais toi, t'es pas parti. Non, mais il y a un vrai truc. Hein. Non, justement, une des raisons pour laquelle je vais pas me faire partenaire, c'est que je sais que je stream sur les deux plateformes, et ensuite, parce que je stream jamais, donc... Ah oui, c'est quand t'es partenaire, oui, pardon. Mais ouais, alors, quand t'es... En fait, alors, affilié, en fait, ça va, mais partenaire... Le truc, c'est que t'avais pas le droit, t'avais interdiction la plus formelle de diffuser sur deux plateformes en même temps, ou trois ou quatre, t'étais uniquement sur Twitch. Alors, à la base, quand même, les règles, c'est t'as pas le droit de diffuser en même temps sur deux plateformes, et tu dois attendre 24 heures pour mettre des replays, des machins, tout ça. Je rappelle aussi que la règle tacite étant que dès que tu mentionnes quelqu'un du Troisième Reich, tu es banni, et quand tu montres un brin de nudité, tu es banni. Je rappelle que toutes les semaines, on parle d'Hitler et on a montré des couilles, hein, donc... Alors, c'est pareil, un brin nudité, je pense qu'il y a une certaine interprétation de ça. Hein, parce que, bon, oui, il suffit d'aller sur la page d'accueil de Twitch pour s'en rendre compte. Voilà. oui, voilà. Il y a quand même une catégorie qui s'appelle Hot Tub. Hein, juste pour ça. Hein, on rappelle la petite anecdote que j'ai racontée dans Ça dérape dimanche dernier. Je lance Twitch pour faire la promotion du live et je tombe sur le live d'une jeune demoiselle qui était en train de se peindre le corps nu. Voilà. Ouais, mais c'est pas. Oui, mais c'est une performance artistique. Ah non, mais je ne critique absolument pas le contenu du live. Mais quand tu vois des streamers qui se font ban parce que dans une vidéo qu'ils regardent, il y a un mec à un moment qui monte son cul et que c'est 5 secondes d'une émission où il y a rien de sexuel dedans. Ah, mais ils tireront. Elle fait une performance artistique. Lui a voulu nuire à la plateforme en faisant ce qui n'est pas une performance artistique. Mais maintenant, sur Twitch, tu as le droit de streamer sur plusieurs plateformes, mais tu n'as pas le droit d'interagir avec un autre chat. Là, faut que l'expérience utilisateur Twitch reste centrale. Tu peux pas diffuser tes messages YouTube à l'écran, par exemple, sur Twitch. Ça veut dire que par exemple, je pourrais pas faire ça. Ça, c'est hautement interdit. Ça. Ah oui, oui. Jeff Bezos va venir se casser la gueule en personne. Ça, c'est marrant. Ils m'ont parlé de Jeff Bezos il y a quelques jours. Oui. Bah pourquoi bon. Il a déjà prévu de vous casser la gueule, c'est ça ? Ouais, il y a moyen qu'il vienne me casser la gueule, Jeff Bezos. Ouais, j'en doute. Moi, je l'attends. Je t'attends, Jeff Bezos. Non. Je l'attends pas. Ouais, il serait capable de venir et me casser la tronche. Je vais sortir une référence à South Park, hein, mais Jeff Bezos, il est télépathe dans South Park. Oui. Il peut faire exploser la tête des gens par la pensée et tout, donc il me fait peur. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est le croque-mitaine, c'est le i-croque-mitaine. Oui, c'est ça. Moi, j'avais une mauvaise nouvelle pour Michael. Oh. Oui, encore. Donc, comme tu le sais, Sergio Pérez est officiellement vice-champion du monde. Et officiellement, Lewis Hamilton est troisième du championnat. Fernando Alonso ne sera pas troisième du championnat cette année. Coup dur, hein. Ouais, c'est... Enfin, Et il est à égalité de points avec Carlos Sainz. Oui, bah c'est la bagarre pour le nouveau petit prince d'Espagne, ou je ne sais plus comment Netflix l'appelle. Mais... Ah oui, oui, ça va être exceptionnel. Ça ne me choque pas. Non, mais attends, parce que là, il est, ouais, là, il est cinquième. Il y a Lando Norris qui a 5 points derrière. Ouais. Oui, enfin bon, ouais, ok, donc super, il va finir la saison 8e. Bon, Eh, je prends. Hein. Ouais, ouais, c'est clair que c'est beaucoup mieux que. Quoique, oh. Non, chez Alpine, il a fini 8e, je crois, l'an dernier ou il y a 2 ans. C'est 9 l'an dernier, ouais. Il fait 9 et 10 en 2021. Et en 2018, il fait 11e. En 2017, il fait 15e. Non, je suis content. Hein. Elle a lu. Regardez-moi, on a un championnat à 4 pilotes différents pour une même position jusqu'à la dernière course. Sainz, Alonso, Norris, Leclerc qui jouent la P4 du championnat. Ah. Concours de quéquette, hein, comme on dit dans ces cas-là. Le concours du premier loser, quoi, du coup. Enfin, exactement. Celui qui repart sans rien, quoi. Oui, et toujours pour l'anecdote, Lance Stroll est le seul pilote du top 10 à ne pas avoir podium. Oui, ça, c'est pas étonnant. Mais on rappelle que finir quatrième du championnat, ça te donne quand même la garantie de ne pas aller au gala de fin d'année, ce qui, pour certains, est pas mal. Certes. Bah, alors, vous rigolez de Stroll qui est dixième du championnat, et je suis désolé, mais c'est quand même un minimum quand tu vois que Alonso a 200 points et Stroll en a 73. Oui, alors, mais il y a un écart en points qui ne se vérifie pas en piste. C'est mon cul qui l'a... My crack qui l'a dit. Pardon, j'ai traduit sans revois faire... Revois tes éléments de langage, s'il te plaît. Parce que... Oui, non, je devrais dire ma réduction pour My crack. Oui, tout à fait. Ah là là là là là là là. Sinon, il y a un autre truc qui m'a fait beaucoup de peine aujourd'hui. Merde. Les Williams. Ah oui. Oh. Alors, Alex Albon, qui tenait un peloton de... alors, de mémoire, il était septième. Derrière lui... huitième, pardon. Derrière lui, il y avait 43 voitures. Et un seul freinage raté et il a tout perdu, les positions. Alors, dans le lot, je crois qu'il y avait Russell, justement. Piastri, Sainz, enfin, tout un tas de pilotes qui l'ont dépassé. Donc, vraiment dégoûté pour les Williams. Et Logan Sargeant, je sais pas du tout ce qui lui est arrivé. Il a perdu pied. Il a reculé. Parce que en début de course, sur le premier relais, il suit Albon sans le moindre souci. Et après, avec toute la confusion des arrêts au stand, tout ça, je l'ai un peu perdu de vue. Et à un moment, la première. Donc, c'était un peu la surprise et la tristesse, peut-être. Donc, Mais ne serait-ce pas du karma? Eh oui, pour leur livrer dégueulasse. Eh oui, c'est vrai qu'ils l'ont pas volé. Mais le bon point. Hein. Le bon point. Ce que j'ai kiffé, moi, je t'ai envoyé en MP, là, Nick. Moi, c'était sur Twitter, là. Tu sais, il y a le compte, là, le fameux update de Logan Sargeant. Ah oui. Vas-y, je te laisse faire le partage d'écran si tu veux le montrer. Pour ceux qui n'ont pas le X, ce compte est très drôle. Il fait qu'une seule chose et c'est très très bien. Et il le fait là, avec, autant de dire qu'avec la Q3 qu'il a sorti hier. Ah, merci Manu. Alors, Sargeant a perdu 3 places en un tour et derrière il s'est un peu perdu. D'accord, ouais, bon, il y a eu un petit choc, comme disent les anglophones, à un moment de la course. Voilà, ce compte publie uniquement ce genre de choses et c'est incroyable. Avec la What the fuck is a Avec les aigles dans tous les sens. T'as des vas-y, montre le compte. Oui, on peut tout le compte. Hein. Enfin, le mieux, c'était les essais libres. Ah, oui. 1. Il avait fait pareil à l'essai libre 1, avec position en point d'interrogation. Quand Sargeant a mis ses premiers points, c'est exceptionnel. Je sais pas ce qu'il y avait comme son. Ouais. Ah putain, je peux pas voir parce que. Oh, il est pas inscrit. Oh là là là là là là. T'es un novice sur X. Oui. Donc voilà. Mais Mick, parce que là, tu en étais dans les stats effrayantes. Parce qu'il faut faire façon créateur de contenu. Verstappen a le double des points de Perez. Ça y est. Ah bah tant qu'à faire. Hein. Autant lui mettre une branlée comme il faut. Hein. Il en a 549. 549 et Perez en 273. Donc c'est plus que le double. C'est, il a officiellement le double. C'est très fort. C'est quand même assez violent. Hein. Bordel. C'est-à-dire que le mec, mais il a rien d'avoir marqué le maximum de points sur une saison. Ça n'a aucun sens. Moi, je crois qu'en moyenne, il a plus de 26 points par week-end. Ah oui, oui, oui, non, mais c'est... Il en a 62. C'est... Bref. Bon, on va zapper le reste, parce que les As, bah, ça a été, encore une fois, hein, catastrophe. Aucun rythme de course. Pourtant, bah, les deux étaient pas mal qualifiés. Les Alpha Tauri, bon... c'était une catastrophe aussi, donc Williams sera pas trop dégoûté parce qu'on rappelle qu'il joue des positions au championnat. Les Alfa Romeo, c'était carrément pas mieux. Si, moi, il y a un truc que je dois dire, il y a un moment, c'est vraiment arrivé, j'en plaisantais avant le début du week-end, il y a un moment où j'ai confondu Joe Guan Yu et Lewis Hamilton. Pareil, oui. Ah, mais j'en peux plus. De ma vie, jamais j'aurais pensé que c'était possible, tu vois, de confondre les deux, mais... La livrée noire plus casque jaune, c'est bon. Hein. Non, mais le pire, c'est avec Bottas. Genre quand t'as Bottas au départ qui s'accroche avec du coup Alonso. Et moi, on voit le replay, je suis et puis là on voit Hamilton. Mais non, c'est toujours pas Hamilton, hein, c'est toujours Bottas. C'est toujours chaud. Rien à voir. Hein. Bottas, oui, oui, c'était. Vraiment, à un moment, je suis. Oh, il y a Alonso qui a doublé Joe. Ah non, pardon, c'est Russell qui a doublé. Enfin voilà, c'est. Puis franchement, la livrée Alfa Romeo, ils auraient mieux, enfin, ils auraient rien mis dessus, ça aurait été pareil. Hein. Mm. On voyait que dalle. Ensuite, effectivement, bonne question. J'ai attendu un peu avant d'en parler. Lando Norris a eu un très gros crash. Bon, je crois qu'il est sorti du centre médical. Oui, oui, il va bien. Ce que j'ai compris. Maintenant, est-ce qu'on sait si c'est parce qu'il est surcoté qu'il est nul ou s'il y a eu un souci? La première. C'est parce qu'il est finito. Ouais, ok. D'accord. Non, mais il a juste pris une bosse. Ouais, enfin, non, mais il est nul, quoi. Il a perdu, virage rapide, il l'a perdu. Ouais, il a essayé de la rattraper. En rattrapant, la voiture est partie de plus en plus en glisse. Et normalement, bon, bah, soit tu la rattrapes, soit tu la perds. Il l'a perdu. C'est non, ça. Mais c'est parce que, comme je le dis souvent, Norris, c'est vraiment pas le gars qui va aller casser la voiture, justement. Donc, laisser le bénéfice du doute, quoi. Après, surtout que c'est rare d'avoir des pilotes qui se crachent en course de nos jours. Oui, et puis même, c'est rare d'avoir des pilotes qui vont casser les voitures. Je connais très peu de pilotes qui, au début de la course, se disent 8e tour dans le mur. Bon, Maldonado, c'est ça, mais c'était... Oui, non, Maldonado, c'était 8e tour dans inséré non-pilote. Et il n'y avait que Nelsinho Piquet qui lui disait 25e tour dans le mur. Mais c'est tout. Voilà. Moi j'en ai. Voilà. Par exemple, Andrea Stella qui a donc dit Norris est sorti de l'hôpital. Je dis ça sur nextgenauto.com. Le circuit est à revoir au virage 11. Une bosse très mal placée a envoyé l'un de Norris dans le mur. Je peux gueuler, j'ai le droit. Ce qui est tard quand même, hein, il est quasiment 3h du mat. Mais... Oui. J'en ai ma claque. Des équipes, des pilotes de F1, tout le monde autour de la F1, où dès qu'il y a un moindre petit truc qui n'est pas tout à fait... Alors, je ne parle pas d'une bouche d'égout, hein, je veux dire un truc qui est un défi, tout de suite, « Oh, c'est mal foutu, il faut tout repasser, machin. » Eh ben, il n'a qu'à faire comme tous les autres pilotes pendant tous les autres tours, il passe autour de la bosse. Et il perd pas sa... Enfin, je suis désolé, c'est pas méchant contre Norris que je dis ça, mais... C'est quel circuit où en IndyCar, il passait sur des rails où les voitures sautaient, littéralement? T'avais ça à San Jose, à Baltimore. T'avais... Oui, c'est récurrent. IndyCar. Non, mais ça m'énerve. Et pareil, Austin, tout le monde se plaint. Mais c'est pas grave, il y a des bosses. Ça fait que le circuit a du caractère. C'est exigeant. C'est un circuit en ville. Et aujourd'hui, les circuits en ville, Jeddah est aussi bien foutu qu'un circuit routier. Donc, forcément, les gens ont des attentes. Mais c'est une ville. Et donc, il y a une bosse. Bah, tu prends la bosse, tant pis. Tu essaies de l'éviter, ça fait partie du jeu. On rappelle qu'à Monaco, il y a une ligne droite où la trajectoire, c'est littéralement ça, quoi. C'est ça. Donc moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec le « Oh, il faut refaire le circuit », bah non, il faut ou pas faire d'erreur, ou relever la caisse, ou machin. Les équipes ont les moyens aussi de maîtriser ce genre d'inconnu. Oui. Je comprends pas. C'est... Moi, c'est un peu comme je le disais au début du week-end. Il y a un moment, qu'est-ce que Carlos Sainz va rouler sur une bouche d'égout? C'est pareil. Ah, ça y est. Non, mais je veux dire, on a... mais transition, alors, oui, transition, transition, transition. Non, mais à la rigueur, on aurait mis un cône devant pour les prévenir. Tu vois, je peux comprendre, tu vois. Là, attends, on a notre jingle transition, Michael. Pardon. Il ne le connaissait pas, ce qu'il me semblait. Je suis pas, oui, oui. Je, c'est gratuitement que je viens. Hein, c'est gratuitement que je viens. Hein, je... Oui, oui, oui. Bien sûr. Oui. De toute façon, tu vois le générique, tu vois bien qu'on n'a pas le budget de payer qui bah que ce oui, soit. Bah oui, non, on va en discuter justement de ça. Parce que je... ah, oui, quoi, tu veux m'embaucher le point. Oui, le... il remet la veste en disant ça. Tu veux m'embaucher au même tarif. Hein le, même tarif. Le peu de budget qu'on a est passé dans le deepfake du premier générique, hein, c'est tout. Il était incroyable, hein, franchement, là, c'était... Oui, oui, c'est de l'argent rentabilisé, mais... 14 jours de rendu, tout ça, non, non, mais je connais, hein, c'est très... C'était génial. Ouais. Bref, tout ça pour dire que Carlos Sainz a roulé sur une plaque d'égout, c'est n'importe quoi. Il y a un moment, il est pilote de Formule 1 professionnel. D'ailleurs, transition dans le timecode aussi, hein, Strigoon. C'est fait. Hein. Est-ce que, bah, Michael, pour te laisser la parole, donc, j'ai vu que tu me l'avais un peu reprise, mais je te la renvoie dans deux secondes. C'est quoi le problème en fait? Qu'est-ce que Carlos Sainz a foutu? Pourquoi il roule sur des plaques d'égout? Oui, parce que je jongle avec. Je jongle avec la parole. Non, mais voilà, comme j'ai dit, si Alonso oui. peut l'éviter, il pouvait l'éviter aussi. Voilà, enfin. Alors, ouais, je rejoins. En fait, je suis un peu. Je suis un peu en conflit là-dessus parce que. Je rejoins ceux qui défendent absolument Las Vegas, parce que c'est arrivé dans plein d'endroits. À Monaco, en 2010, Barrichello, il abandonne parce qu'il y a une plaque d'égout qui dépasse de la piste. Voilà, t'as plein de moments où ça arrive, ça peut arriver. Grosjean explose une as parce qu'il roule sur une plaque d'égout en Malaisie. Enfin, voilà. Ça peut arriver. Mais pour un Grand Prix qui a coûté 45 milliards, qui est vendu comme le plus grand truc du monde, machin, en 8 minutes... Ça a quand même foutu très mal. Ce serait arrivé en fin d'essai libre, tu dirais, oh ben voilà. Les freins roulés dessus, tout ça, voilà. C'est pas simple, ils feront mieux demain. Voilà, non, ça arrive au bout d'une minute, donc c'est quand même un flop c'est un peu compliqué. Retentissant. Donc, c'est pour ça que je suis entre les deux. Je me dis, c'est pas. Voilà, ça arrive. Si la FIA avait pu faire une vraie inspection, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Ouais, c'est vrai que s'ils avaient pu détecter que tout n'allait pas correctement à quelques heures du début, non, mauvais exemple. Moi, je ne vais pas finir la phrase, ça va discréditer les organisateurs. Moi, je dis karma. Karma. Moi, je dis karma. Les mecs nous ont cassé les couilles pendant des mois et des mois. Ouais, il va y avoir le Grand Prix de Las Vegas. T'as l'impression qu'il n'y en a qu'un seul, alors que tu en as 24 dans un calendrier. T'as l'impression qu'il n'y en a qu'un seul qui compte, c'est celui de Las Vegas. Les mecs, ils arrivent, 8 minutes d'essai libre, une plaque d'égout qui en met tout en cause. Bien. Bravo. Et alors, pour la F1, il n'y en a qu'un qui compte, c'est Las Vegas, parce que c'est le Grand Prix dont ils sont promoteurs. Oui. Donc, c'est voilà, ils font leur propre jeu. Non, moi, pour revenir sur le problème de la plaque d'égout, je rejoins Michael sur le fait que ça arrive. C'est l'inconvénient d'être sur un circuit urbain, c'est que... Bah, tout le reste de l'année, il y a de la vie et il y a des installations sur le circuit et que la F1, sur cet instant-là, emprunte quelque chose qui n'est pas à elle, contrairement à un circuit routier où le circuit est conçu pour ça. Là où moi, ça m'emmerde fortement, c'est en premier lieu le fait que... peut-être que s'il y avait eu une vraie inspection avant, ils n'auraient quand même pas relevé le problème et que ce serait arrivé. Possiblement, mais le fait est qu'il n'y a quand même pas eu de véritable inspection avant ou que la véritable inspection c'était voilà, comme je viens de voir monsieur Touzeau dans le chat Wittich qui était avec des lunettes noires, un labrador et un grand bâton blanc et qui tapotait un peu partout pour lors de l'inspection, hein. Attends, le faire. Fasti Wonder. Voilà. Il est bien le circuit. Il est superbe. Ah ouais, vraiment, il est bien. Mais voilà, moi, c'est, bien. C'est plus ça qui m'a gêné, c'est que. Je dis pas que c'est un problème qui aurait forcément pu être relevé s'il y avait eu la vraie inspection. Peut-être que non, et peut-être qu'il y aurait quand même eu ça. Et à ce moment-là, bon, ben, voilà, c'est pas de chance. Et même dans le cas, dans le contexte dans lequel ça s'est passé, c'est pas de chance. Il y a d'autres voitures qui sont passées dessus avant, et ça a pas sauté à ce moment-là. Ça a sauté pile au moment où Sainz s'est passé. Bref. Mais j'ai envie de rejoindre un tout petit peu Strigon aussi sur le côté karma. Ça fait plus d'un an qu'on sait qu'il y a ce Grand Prix-là. Ils finissent les travaux à même pas une semaine du début du Grand Prix. Je sais pas, bien fait pour ta gueule, t'avais qu'à t'organiser autrement, gérer mieux et de faire en sorte que ton circuit soit homologué au bon moment, de la bonne des façons, pour être sûr que ton circuit est sécurisé, au moins dans la théorie. Après, dans la pratique, voilà, il y a des milliards de choses qui peuvent arriver, faire que, mais au moins dans la théorie, que ce soit clean et bien foutu, quoi. Après, pardon Mick, mais je veux juste dire que pour l'homologation, moi, je crois sincèrement que sur tous les circuits du calendrier, c'est la même homologation. C'est ah oui, oui, marche. Oui. Il marche, il fait. Hein, c'est sympa, mais, oui, mais, bon, mais c'est bon. Mais c'est là où je trouve ça aberrant. Vraiment, c'est que. C'est que. Ouais, voilà, c'est ça. C'est, putain, faut faire l'homologation. Oh. Allez, tu montes sur le caddie de golf, tu fais le tour. C'est ça. Ouais. T'as toujours le mec, tu sais, un peu. J'ai l'impression des mecs. C'est la TDE. À ton boulot. Non, mais à ton boulot, tu sais, t'en as toujours deux, trois comme ça. C'est café croissant, qu'est-ce qu'on mange à midi, tu vois. Et c'est vraiment. Mais c'est l'équipe d'inspection du circuit, en fait. Oui. J'aimerais que tu respectes un peu mon travail, enfin la manière dont je travaille, c'est bon déjà pour commencer. Pourquoi t'en as pas de mec comme ça, toi? comme on dit, quand t'as pas de mec chiant dans ton entreprise, c'est que c'est toi. c'est vrai. Non, moi, je travaille dans un endroit très sympa, tout le monde est très cool. Ça va aussi. Oui, mais ça, on l'avait remarqué, Strigoun, que tu travailles dans un endroit très sain et où personne n'était chiant. Je te laisse méditer là-dessus. Tout ça pour dire que ça me rappelle beaucoup Michael Masi à l'époque en 2020-21, si vous vous rappelez quand il y avait des accidents où le mec il venait sur le circuit, il regardait les commissaires faire genre dégage, enfin tu sais le mec il est là mais il fait rien donc c'était ça. Oui, t'as la photo où tu vois 30 personnes autour de la plaque d'égout, c'était genre comme ça. Alors, pour ceux qui sont pas de France, c'est l'équivalent des services municipaux qui sont toujours à la bourre et qui le fameux 35 qui regarde et un qui bosse, quoi. Et dans les 35, t'en as un à Las Vegas, certains, ils ont été fait. J'aurais pas fait comme ça. C'est spécialiste. Voilà. Et on rappelle qu'au Nevada, apparemment, il est interdit. Qui sont des règles pour tout, il est interdit de souder des plaques d'égout, c'est pour ça qu'ils ne les ont pas soudées. Alors, j'ai quelques infos là-dessus, en fait, à ce sujet. Et justement, c'est ce qui aurait posé problème sur la plaque qui a été relevée par Carlos Sainz, c'est que ça avait été soudé, enfin, bien plaqué, tout ça. Mais il y aurait eu des individus de forme tortuaire qui auraient approché les organisateurs en disant « Fermez pas les plaques d'égout, on en a besoin. » Ils n'en ont pas dit plus, mais ils ont dit « En cas d'urgence, on en a besoin. » Ça sentait la pizza, je crois. Oui. Les gars, pour le coup, c'était des peintres, hein, Michelangelo, tout ça. Yes. Ça même. Donc, il y a cet aspect un peu de l'organisation. On peut effectivement dire que ça arrive, mais d'un autre côté, Michael, l'exemple que tu donnes, Monaco 2010, ça arrive pendant le Grand Prix. Alors certes, c'est au départ, mais tu as eu 3 jours de roulage avant, enfin 2 jours. Et tu prends... là, on est à 8 minutes dans la séance. Et comme le disait Tim, l'aspect inspection dernière minute... pour rappel, on a l'exemple parfait et ultime, qui est encore et toujours Monaco, où c'est à des semaines avant l'événement que tout est mis en place, installé, tout ça, et où toutes les vérifications peuvent être faites correctement. Oui, il y a Pau aussi, Tim, je sais. Non, pour le coup, j'allais pas... Merci d'en parler, mais j'allais pas en parler. Mais c'est le cas sur les circuits urbains traditionnels, on va dire, ou historiques. Les rails, parce que c'est majoritairement des rails, seulement je t'aime. Voilà, sont installés des mois à l'avance, en fait. Enfin, le circuit est prêt. Alors, bon, tu m'as fait la passe décisive pour Pau, mais je vais pas parler de Pau. Mais je sais pas comment c'est à Monaco, mais en tout cas, à Pau, le circuit a un mois, deux mois du Grand Prix. Quand il y a un Grand Prix, tu peux théoriquement, à deux mois du Grand Prix, tu peux fermer le circuit, poser les pneus et ton circuit est prêt. Je suis persuadé qu'à Monaco, c'est pareil. Tu peux mettre les quatre rails qui font que le circuit est fermé, poser les Tech Pro et tu peux rouler à deux mois du Grand Prix de Formule 1. Là où l'installation se fait au dernier moment, c'est sur tout ce qui va être les hospitalités, les tribunes, tous ces trucs-là, mais le circuit en lui-même est prêt. Et c'est là où je trouve ça aberrant avec les circuits urbains actuels, c'est que c'est tout le temps fait au dernier moment. Et oui, je vois passer dans le chat Macao. Macao, c'est, je pense, quasiment la même chose. Hein. Oui. Macao, c'est... En fait, c'est... Alors après, il y a forcément le côté de... Ils ont l'habitude, ça fait des années et des années et des années qu'il y a ces circuits qui sont prêts, qui font des grands prix urbains, qui ont l'habitude et qui savent que tel morceau de rail numéroté de tel truc, il va à tel endroit et il se pose en tant de temps. Forcément qu'ils le savent, au Vegas, c'est la première et voilà. Mais je trouve ça quand même aberrant que tu aies un circuit qui soit fait... Enfin, qu'il soit fini à une semaine du truc. Jeddah, c'était fini à plus 10 minutes du début de la séance. Il y a je ne sais plus quel circuit aussi où les FP1 avaient dû être repoussés d'une demi-heure ou un truc comme ça. En Corée, ouais, je crois. Ouais. Je trouve ça fou que les contrats... En plus, ce n'est pas comme si les contrats étaient signés 6 mois ou un an à l'avance en disant « Ok, dans un an, vous accueillez la F1 ». C'est des trucs qui doivent être signés des années à l'avance, qui sont annoncés suffisamment avant aussi, parce qu'il ne faut pas croire que dès que le contrat est signé, dans la foulée, il y a le communiqué comme quoi c'est annoncé. La signature est bien avant la communication. Et là, en plus, dans le cas de la Formule 1, c'est leur Grand Prix. C'est eux qui l'ont, l'ont fait. Donc, ils ont tout en main pour que le truc soit prêt au bon moment. Et ce n'est pas le cas. C'est là où, moi, ça me gêne énormément. C'est que ça fait passer le sport et l'organisation pour des amateurs, alors que même si on tape sur la F1 et qu'ils agissent comme des amateurs, c'est loin d'être le cas, en fait. Non, mais c'est... Puis, alors, là, en plus, il a été fait 10 heures avant, quoi, même pas. Enfin, c'est la même journée, quoi. Le circuit n'était pas prêt la veille, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu... Alors, d'autant plus que avec l'histoire du « on ferme » pour le Grand Prix, et après on rouvre direct à 4h du matin pour que tout le monde puisse rouler sur le street. Ça, pour le coup, c'est circuit urbain. T'as pas trop le choix, ouais, mais bon. Là, t'es obligé parce que tu fermes le strip, c'est... Et puis en plus, Vegas, t'as ça aussi. T'as le fait que tu fermes le strip et que t'as des gens qui témoignaient que le strip, pendant la semaine du Grand Prix, et sûrement peut-être le temps après le Grand Prix, le strip était littéralement mort. Il y avait personne dans les casinos, dans les bars, dans les restos, il n'y avait personne. Ah oui. Oui. Parce que toi, tu es fan de F1, tu viens là, tu n'as pas envie de... Enfin, tu es déjà au circuit jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc, oui, tu vas pas forcément. Tu vas peut-être au casino pour le côté, je suis à Vegas, c'est con de pas y aller. T'en fais un. Et le problème, c'est que tu vas dépenser 30 balles, alors que d'habitude, les casinos, ils ont l'habitude d'avoir les meufs et les mecs qui viennent avec 15 000 euros. Allez, c'est bon, voilà. Donc forcément, ça leur a fait beaucoup de mal. Je pense que la ville de Las Vegas ne va rien en retirer. La FOM en a perdu des millions, et surtout... Pour le moment, et quand on parle côté promoteur, moi je suis navré, mais on a découvert la FOM en tant que promoteur. Et on découvre que la FOM est le pire promoteur de Formule 1 qui existe. Parce que le communiqué de presse qu'ils ont sorti en disant « bonjour tout le monde, alors oui, il y a eu des soucis. » J'allais y venir, Michael, si tu veux le faire. Je te laisserai le faire juste après. Effectivement, là, c'est on oublie un décalage horaire chez vous. En Europe, il est midi. Du coup, pour ceux qui demandent combien de temps il reste, parce que apparemment, selon Valentin, il y a le combo poulet rôti Walker Texas Rangers qui l'attend. Je comprends. Alors, pour rappel, cette émission. Bon, voilà, vous êtes dans l'émission, vous avez compris le concept. C'est on s'arrête quand on n'a plus rien à dire. Donc là, on peut être là jusqu'à 16h à peu près. Michael est en train de se dire non. Ah non, mais moi, dans 20 minutes, je dois faire les courses. Alors, t'es gentil avec, avec tes conneries, mais ça va. Je dois faire les courses. Attends. Donc, vous pouvez le mettre en pause, revenir plus tard. Mais je pense qu'on n'en a pas fini parce que là, ça va être le moment où on va se décharger sur Vegas. Je rappelle aussi, hein, en description, vous avez le lien du podcast FMG Night Fever qui sera mis plus tard dans la journée ou demain pour les réécoutes. Et puis, là, normalement, ça devrait rester en ligne sur YouTube pour... voilà, pour rattraper plus tard. Au passage, bah merci à tous hein, d'être toujours en notre compagnie. Vous pouvez lâcher un sub sur YouTube et mettre un pouce bleu sur Twitch ou l'inverse. Voilà, si jamais. Et puis, Michael a son rendez-vous à Leclerc Paris. Ah non, mais écoute, excuse-moi d'avoir une vie. Je fais une quiche Lorraine ce soir. J'ai quasiment rien. Donc voilà, à un moment donné, j'ai des priorités. Alors là, mon compte a intérêt à la faire bien parce que là. Ah ben, j'en ai fait l'autre jour. Mais ouais. Alors, oui, parce que monsieur. Alors, ça va, on va bientôt célébrer les 1 an du Racing Café Le Mans 2023. Et force est d'admettre que monsieur D cuisine très très bien. Bon. Eh, hey, j'ai dit un truc positif sur Duforest, alors maintenant, ne me faites pas chier. Hein. T'as pas mal au dos ? J'ai un extrêmement peu, ouais. Mal au dos. Oui. Là, tu vois pas, mais j'ai une petite couverture sur mes jambes pour qu'après je puisse. Bah, parce que tu vois, le sang circule plus. Ah oui, non, faut pas faire de tabite, tout ça. Non, je comprends. C'est... Transition. Mais je crois que la sœur de Pourchère qui fait ça, je peux le voir toute ma vie. Mais oui, c'est. On la passe à mon mariage et à mon enterrement. C'est vraiment, parce que c'était une évidence. On fait tourner la tombe. C'est ça, on fait tourner ton cercueil dans l'église, tu sais. Tu sais, le prêtre est là. Et maintenant, il va brûler pour l'éternité. Il va rejoindre. Et puis, là, et voilà, ce sera. Et puis, on va pousser le truc. Et puis, le feu. Hein, c'est incroyable. Donc, et oui, on a évoqué le début du week-end. Les essais libres 1. On a eu 2h30 de décalage pour les essais libres 2. Ils ont commencé à 11h30 au lieu de 9h, heure française. Et ensuite, bah Michael, je vais quand même essayer de compter le déroulement jusque-là. Les organisateurs, les Vegas, tous se disent « Ah bah mince, c'est déjà minuit 10, on va être fatigué. Du coup, il va falloir commencer à surveiller quelques trucs parce que le problème, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, même aux États-Unis, ils ont des droits et ils sont limités à un certain nombre de boulot. Comme quoi, le capitalisme a ses limites. Et du coup, vu que ça décalait tout de 2h30, et les gens ont bossé 2h30 de plus. Et du coup, il y avait une heure où ils devaient se casser, les gars. Du coup, ils ont dit, mince, on va devoir renvoyer toute la sécurité et tout. Ils se sont retournés, ils ont fait, merde, qu'est-ce qu'on fait des gens ? On les dégage. Ils ont dégagé les fans. Ils leur ont dit, hop, cassez-vous. Et tu sais, il y avait les gens, ils étaient assis, tu sais, avec leurs petits tickets, leurs petites pailles et leurs boissons dans l'autre main. Mais ça n'a pas commencé. Et on fait, ouais, cassez-vous. J'ai quand même énormément de d'empathie. Et Dieu sait que j'ai pas beaucoup d'empathie dans la vie. Là, j'en ai eu énormément pour les gens qui étaient en tribune dans le froid et qui ont attendu pendant des heures et des heures que ça roule. Et qui se sont vus voir des mecs de la sécu leur dire « Monsieur, dame, faut partir maintenant. Ben »« Oui, mais là, ça va rouler dans 5 minutes. Moi, j'ai payé 4000 balles, ma place quand même. » Oui, Mais il faut partir quand même là, monsieur. Hein, allez, il faut rentrer maintenant. Il faut nous laisser. Alors, pour info, Shira a réouvert son micro, donc je pense qu'il s'est réveillé entre-temps. Je ne sais pas s'il a encore un, par contre, mais... tiens, Strigoud, je t'envoie un truc justement de... du Shira sur, à partager sur Twitter. Et je trouvais ça intéressant parce que d'avoir des retours de gens du bas-peuple, un peu comme vous, en fait. C'est-à-dire, nous, on est en tribune VIP, tout ça. Mais je viens de me rendre compte qu'avec mon petit peigne juste ici, ça donne un côté très coloré, assez sympa. Une touche fruitée. Je veux intervenir également sur ces tribunes VIP, sublime tribune VIP qui donne sur les barres lumineuses qui éclairent le circuit. Alors, sur le Reddit, Shira, je ne vais pas essayer de t'imiter. Sur Reddit de la F1, oui, non, il est majoritairement de peuplé d'Américains. Tu as des mecs qui expliquent qu'ils se sont saignés pour voir leur premier Grand Prix. Et au final, ça a roulé 8 minutes. Vu le pays de Barjo, ça va finir avec des class actions comme ils savent si bien le faire. Et avec un exemple juste ci-dessous, voilà. All I could afford, voilà, c'était une journée du vendredi. Hein, c'est les journées les moins chères, hein, comme on en a déjà parlé par le passé avec le problème que causaient les sprints. Et voilà, les gens, ils ont eu 8 minutes de voiture en piste. Et ils ont claqué 1300-1400 euros. Et Strigoun, je vais te laisser enchaîner parce que tu connais peut-être mieux l'histoire que ça. Mais tombola, Strigoun. Ah oui, alors, tombola. Il n'y a pas eu tombola. L'équivalent de Spa 2021, en gros. Oui, voilà. Alors, l'équivalent de Spa 2021, mesdames et messieurs, oui, je l'ai lu. Oui, je l'avais partagé sur Instagram le lien, mais j'ai un peu la flemme de les récupérer pour remettre un peu sur PC. Mais en gros, alors, pour compenser ça, hein, le fait qu'ils ont eu 8 minutes de roulage, hein, et pour les FP1, et ils n'ont pas pu voir les FP2 parce qu'ils se sont fait dégager 5 minutes avant que ça commence parce que c'était trop tard et qu'il fallait rentrer tout le monde, ramener tout le monde à la maison. Sauf les riches, évidemment, hein, qui eux étaient dans le paddock, eux, il n'y a pas de souci, il y avait encore des VIP. Non, ils ont dégagé aussi les. Il restait les journalistes et les équipes, c'est tout. Oui, parce qu'après, il devait se dépêcher de réouvrir les routes aussi. Quoi. Le mec qui a payé 30 000 balles pour aller bouffer ses petits fours, on a dit, ah, tu dégages. Ils lui ont fait un doggy bag. Ils ont fait un doggy bag. Et le mec qui a payé 30 000 boules pour voir les voitures le vendredi, il a aussi payé ses 30 000 boules pour les voir le samedi et le dimanche. Oui. Ça en reste pas moins excusable et toujours autant inadmissible, mais oui. Alors justement parce que si je peux me permettre, il y a un truc qu'il faut que je te dise, Tim. Oui. Parce que donc ceux qui n'ont pas pu voir les FP2, etc. Donc il y avait le billet qui a ceux qui ont payé un billet juste pour la journée pour voir les FP1 et les FP2. Seulement pour ces gens-là, ils ont un bon d'achat de 200 euros. 200 dollars, pardon, 200 dollars américains, sur le merch. Bon d'achat. Voilà, sur le merch du Grand Prix de Las Vegas. Donc, même pas le merch de la Formule 1, le merch du Grand Prix de Las Vegas. Donc, tu sais, les t-shirts, là, Miami et tout ça, là, que tu as trouvé au rabais, etc. Bah, c'est sur ça, hein, les 200 dollars. Voilà. Deuxième chose, par contre, ceux qui avaient un billet, par exemple, comme tu dis, Tim, c'est-à-dire 3 jours, c'est-à-dire, tu prends FP1, FP2, FP3, qualif et course, eux. C'est pas grave, c'est encore les FP3, la qualif et la course, c'est quand même pas de plaindre, n'empêche. Allez, sur la tribune. Voilà, c'était ça. Non, mais véridique. C'est quand même admirable que le prix, enfin le bon qu'on leur fait, ce soit un sixième du prix du billet. Mais complètement. Moi, je me permets, mais honnêtement, avec ce qu'on a déjà vu sur leur passe à 1 million, je pense que ça aussi, c'est un autre. Une autre formule du Formula One Las Vegas Experience. Oui. C'est le genre d'expérience unique. Je suis passionné pour le Fire Festival, moi, quand même. Non, mais surtout, à 200 balles. C'est une expérience de vie. Ah, attends, il y a Chirac qui parle. Ouais. Non, mais surtout, là aussi du génie, c'est qu'avec 200 balles, je peux juste acheter, je pense, un sweatshirt, sans les frais de port, d'ailleurs. Une casquette. Oui, parce que leur t-shirt, ils coûtent 50 balles. Là où c'est aberrant, c'est que même Micromania, tu leur ramènes un jeu à 60 euros, ils te le prennent plus que 10 euros. C'est pour voir à quel point on te chie la Formule 1. Honnêtement, on n'est pas on quand pas Micromania te rembourse mieux que la FOM, oui. Tu te fais baiser. Je veux dire, on est d'accord qu'on n'est pas on n'est pas des pros de la communication non plus, tu vois, mais imaginons un problème comme ça vous arrive. Mais déjà vous dans diriez... ton communiqué, tu dis au moins pardon. Voilà, tu dis pardon, voilà, on a fait notre mieux. Là oui, le communiqué, dis-nous. Alors c'est pas les termes exacts, mais j'ai réussi parce que je suis un plus haut que le chat, donc j'ai pu lire entre les lignes. Globalement, oui, il est très intelligent. Le ton, c'est vraiment bonjour. Il s'est passé des problèmes. Alors, déjà, il n'y a pas qu'à Las Vegas qu'on a eu ces soucis. Hein. Donc, vous êtes bien gentil, ça arrive partout. Du coup, vous n'avez pas pu voir les essais libres 2. Bon. Ça reste quand même une super expérience, globalement. Et puis, y avait à bouffer gratos. Vous n'avez pas à vous faire chier. Alors, vous prenez vos 200 balles de bon d'achat et vous revenez l'an prochain. C'était globalement ça. Ils leur ont chié à la gueule. Encore une deuxième fois. Donc c'est prodigieux. Ce que je trouve aberrant, c'est que le propriétaire de la Formule 1 aujourd'hui est américain. Il est issu de ce qu'il y a de plus beau dans la culture américaine, à savoir le capitalisme excessif. Oh, j'adore ça. Et ils font une course aux États-Unis, dans la ville qui représente à elle seule tout le concept même du capitalisme excessif, et à aucun moment ils se disent « Ah, mais c'est vrai que dans la culture américaine, il y a un truc aussi qui s'appelle le procès. » et c'est vrai que le client est roi, c'est eux qui l'ont inventé presque. Et c'est vrai qu'en général, les Américains n'ont aucun problème à faire un crédit sur 15 générations pour aller en procès, pour ensuite gagner des millions grâce à ces procès. Oui. Sachant qu'il y a des procès pour tout et pour rien, quand il y a des procès pour des trucs qui sont complètement débiles, il y a des gens qui gagnent des millions s'ils arrivent à gagner le procès. Là, pour le coup, j'espère pour la FOM qu'ils ont des avocats très qualifiés, parce qu'il va falloir réussir à défendre leur cause et à expliquer de façon pertinente que le fait de rembourser 200 balles sur les 1200 du billet et de foutre les gens dehors, etc., etc., c'était justifié. Et puis surtout, c'est pas un remboursement. Que... C'est un bon d'achat pour un truc, pour la merch. Donc ça veut dire que vraiment, t'es 1200... voilà, en gros, tes 1200$ que t'as lâché pour voir ce billet, tu l'as dans l'os et ils te le disent très bien, ça. Très clairement, tu l'as dans l'os. Éventuellement, on t'offre un truc, en gros, tu auras droit à 2-3 t-shirts. Allez, parce qu'on n'est pas, quand même que des connards. Mais c'est tout. Non, parce que, que les choses soient claires, ça passait avec les Belges. Hein, vous avez été très gentils, les cousins. Mais là, c'est pas 2021. Tu te dis... J'arrive à comprendre la situation de la F1 et de Spa. Sachant que c'est de la faute de personne en soi, il se met à pleuvoir, tu veux donner le show, tout ça. Mais là, ce week-end, la seule personne à blâmer, c'est les organisateurs, point barre. Il n'y a pas de « mince, il a plu, il n'a pas roulé, vous l'avez dans l'os ». Quoi. C'est vraiment vous dégagez et vous n'avez rien vu. Et Spa, techniquement, il pouvait se rabattre sur le fait de « tu as payé un billet pour avoir… » De la Porsche, de la F3, de la F2, de la F1, tu as eu de la Porsche, de la F3, de la F2, de la F1, tu te tais. Oui. Toutes les séances ont eu lieu. Là, toutes les séances n'ont pas eu lieu. Mais je rappelle que quand tu étais dans les tribunes, tu avais accès à de la nourriture illimitée et gratuite. Bien. Oui, normal. Attends, 1200$, oui. Bon, pour 8 minutes de course, mais tu avais ce droit. Et ça, c'est sans compter ceux qui avaient acheté une place pour des tribunes qui n'ont pas été construites. Ouais. Est-ce que quelqu'un sait si le pit stop F1 était à Las Vegas ou il a pas plu. Donc forcément. Ah oui, parce que il s'est tapé Spa 2021 et c'était Zandvoort là, non? Ouais, il s'est fait Zandvoort cette année, je crois. Ouais. Ah ouais, il se prend tous les drapeaux rouges. On a cette partie très cocasse du vendredi, donc, et toute cette organisation désastreuse. Moi, je suis désolé, mais après le bilan, je vais laisser la parole au buffet chinois. C'est 30€ la bouffe à volonté, pas 12 000. C'est pas Gordon Ramsay qui fait la bouffe au buffet chinois, voilà. Alors, je vais poser la question pour commencer à notre divertisseur préféré. Enfin, parce qu'il y en a qu'un, mais à celui qui aime le divertissement. Tim, bling bling, paillettes, lumière, Las Vegas, tout ça. Est-ce que tu as été diverti ce week-end? Bah, du coup, même pas. Alors, j'ai été diverti le jeudi. Tout ça. J'ai été diverti le jeudi. Alors, j'ai pas apprécié en soi les musiques qu'il y avait. Et encore, il y en avait des qui m'ont fait bouger la tête, je le concède. Il y avait Journey. Et là j'ai un petit peu honte. Mais Will.i.am m'a fait bouger la tête. J'ai très honte de le dire, mais voilà, c'est vrai que quand il a fait let's go, j'étais devant mon ordi et j'étais là. Putain, mais oui, mais let's go. Ouais, let's go. Allez, on y va. Non, cette cérémonie, entre guillemets, j'ai trouvé ça cool. Il y avait des jolies vues sur le bâtiment des pits, sur la ville de Vegas derrière. Il y avait du feu d'artifice, il y avait de la lumière. Moi, je suis un enfant, tu me mets des trucs qui flashent dans la gueule, je suis content. Donc, le jeudi, j'étais content. Et après, en piste, par contre, et tout le week-end, j'ai trouvé qu'il y avait une caméra. Allez, deux, si je parle de la caméra qui filme plus ou moins la sphère aussi. Mais sinon, il n'y avait qu'une caméra qui, pour moi, était vraiment intéressante. C'est celle qui était à la fin de la ligne droite sur le strip, qui était en haut d'un immeuble et qui filmait les voitures de haut. Parce que c'est la seule qui montrait l'immensité de Vegas. Ouais, lumières, les casinos, tous les trucs lumineux, en fait. C'est la seule qui montrait ça. Le reste, c'était dans la nuit noire. Et ça pouvait être sur n'importe quel circuit du monde, de nuit, parce que tu ne voyais rien. Et je trouvais ça tellement frustrant d'être à Vegas et d'avoir un aussi gros potentiel de spectacle, en fait, qui n'est pas exploité. Je trouvais ça très, très frustrant. La boule, ok, c'était marrant. Voilà, il y avait quelques trucs. Pour le coup, j'ai bien aimé, je trouvais ça kitsch, mais j'ai bien aimé le smiley avec le casque. Le fait que dès qu'il y avait drapeau rouge, drapeau jaune, safety car, c'était affiché sur la boule. Oui. Voilà. Les mecs, ils ont refait le jeu de la mais bon, c'est pas grave. Le reste après, bon, voilà. Et puis après, sinon, c'était du Miami un peu dans l'esprit. C'était peut-être pas... alors, plus poussé que Miami, donc moins gênant, mais peut-être encore... on en a parlé en off, Sergio Perez et Bruce Buffer, le combo extraordinaire de Buffer qui gueule le nom de Perez à 10 cm de son visage et Perez avec le visage livide qui... Voilà. Moi je me suis réveillé, c'est le premier truc que j'ai vu, c'est le meilleur moment de l'histoire de ma vie. J'ai jamais vu. Moi j'ai raté le départ. J'avais. Mais du coup, voilà, pour répondre à la question, non, j'ai été globalement déçu de ce côté chaud parce que je trouve que c'est mieux mis en lumière à Singapour par exemple. On voit beaucoup plus la ville autour et je trouve que c'est ça. En fait, aller dans une location race, pour moi, c'est tout l'intérêt de montrer en fait ce lieu. Parce que sinon, tu vas sur un circuit perdu dans la Nièvre, il n'y a personne qui regarde les champs autour, on s'en branle, tu regardes la course et voilà. Si tu vas dans un circuit, dans une ville ou dans un lieu qui est censé t'en mettre plein la gueule, bah, il faut que ça t'en mette plein la gueule en fait. C'est tout le concept. Pour le coup, les premiers Grands Prix, par exemple, à Jeddah étaient relativement fades, j'ai trouvé. Plus ça va, plus il y a des trucs qui se construisent autour. Et plus on a de la déco, des palmiers, de la lumière, de la verdure, la mer, les ci, les ça, et plus c'est joli en fait. Le circuit, c'est une chose, ce qui se passe en piste, c'est une chose, mais au moins ce qui se passe autour, c'est plus ou moins joli, et voilà, il y a quelque chose. Et pourtant, Dieu sait qu'on a tapé sur Jeddah, et que moi le premier, j'ai tapé sur Jeddah. Mais là, Vegas, j'ai trouvé ça très frustrant d'avoir un seul endroit qui était qui était spectaculaire et qu'il était en plus très mal filmé et très mal mis en avant, quoi. Mais soyons d'accord, à un moment, peut-être que si on faisait pas des courses de nuit partout, ça... Oui, mais c'est parce pour que... ça, moi, Vegas, pour le coup, j'aurais trouvé ça plus sympa de le faire de jour. Parce que Jeddah, la séance d'essai le vendredi matin et le samedi matin qui se déroule soleil couchant, bah, je trouve que c'est super bien, beau, ouais. Parce que tout autour, c'est joli. Tu vois la ville, c'est joli, ouais. Ah, la ville est quand même sympa, ils font des petits jeux de couleurs où tu commences à les voir, donc c'est assez sympa. Mais là, ouais, je te rejoins sur le côté où... Mais moi, je m'étais déjà fait la réflexion en 2012, quand ils ont fait le premier Grand Prix à Austin. J'ai regardé le truc, et c'était la première fois où je regardais un Grand Prix de F1, et je me disais, on me dit que c'est aux États-Unis, il est 20h, donc ça doit être vrai, mais il n'y avait rien qui me faisait dire, on est aux États-Unis. Et alors, ici... T'as un drapeau de 20 mètres de haut, donc comme ça... Oui, certes, mais à part ça, voilà. Oui. Et ici, Las Vegas... Ben oui, tu vois un peu, enfin... Bah t'as pas du tout les casques spéciaux ? Et les livrets spéciaux, mais ça, ils le font. Ils le font toute l'année, donc je savais plus où on était. Symboles, là, Pic, Trèfle, Carreau, Cœur... J'aurais trouvé ça plus pertinent que le Grand Prix soit deux jours, en fait, parce que peu importe l'angle de caméra, on aurait vu la ville, en fait. Et que pour le coup, Vegas est dans sa démesure et aussi beau de jour que de nuit, c'est deux univers très différents. Mais les hôtels, le style des trucs, les monuments, enfin tout ce qu'il y a, c'est aussi joli de jour que de nuit. Et je pense que ça aurait été autant, enfin plus pertinent de le faire de jour parce que le strip aurait rendu pareil. Ça aurait été différent entre tout l'éclairage, tous les trucs, même si de jour il y aurait forcément eu tout ça aussi, moins mis en avant, mais ça aurait été le cas. Et puis on aurait vu la ville autour aussi. Là, typiquement, la caméra qui filmait la ligne de départ, je trouvais ça d'une tristesse sans nom. C'était une putain de zone industrielle où t'avais rien, t'avais du noir partout, un vieux béton dégueulasse sur la route, des murs en béton dégueulasse, du grillage opaque qui fait que ça fait du gris, et c'est ultra terne, et il n'y a rien, je trouvais ça dégueulasse. Le premier secteur, tu me dis que c'est Jeddah, je te dis oui. Oui, oui non, mais c'est la réflexion... qu'on s'est fait en le regardant, c'est que tu le confonds avec n'importe quel tracé urbain de nuit. Et moi, j'en viens juste, Michael, je vais me permettre d'être légèrement en désaccord avec ce que tu dis, il faut arrêter les Grands Prix de nuit. Bon, faut arrêter les Grands Prix urbains, en fait. C'est tout, tout court. Et comme je le disais en live vendredi, en petite réaction à tout le bordel, arrêtez, enfin, vous êtes au Nevada. Il y a un désert. Vous êtes à côté d'un désert. C'est un casino dans un désert. Il y a une tour Eiffel. Il y a une statue de la liberté. Faites un circuit. Refaites un circuit à côté. Je crois que c'est Peter Winsor qui disait, il y a quelques temps en réaction à ça, il disait, j'ai parlé à l'époque avec Bernie de faire... Ouais, ça, c'est Peter Winsdorf. Quand on avait parlé de faire un Grand Prix à Las Vegas, je lui ai dit, ouais, si tu veux aller aux États-Unis, il faut aller à Vegas, tout. Et puis, tu peux refaire là-bas, tu refais le Nordschleife comme à l'époque, mais avec des conditions modernes de sécurité, tout machin, tu vois. Comme ça, t'as ton tracé à l'ancienne, mais t'as tes normes de sécurité et t'as le tracé de hors de mesure, démesuré, enfin tout ce que tu veux, qui peut coller à l'esprit n'importe quoi esque des États-Unis. Alors, j'adhère pas à l'idée de refaire un Nordschleife, mais à l'idée d'essayer de faire un tracé qui est fou, quoi. Essayer de faire... Quand t'es dans un désert, par définition, enfin, t'as une plaine fertile pour faire le tracé que tu veux, quoi. Y a un moment... alors c'était très cool. Un truc qu'il faut donner au Grand Prix, le fait... Il y avait ce côté un peu à l'ancienne, à la... tu sais, les Grands Prix de Monza dans les années 50, 60, 70, avant que t'aies de la traînée aéro, où tous les Grands Prix, c'était les pilotes qui se suivaient pendant 60 tours. Tu sais, ces fameux records en 69 où t'as 4 pilotes qui franchissent la ligne en même temps, pareil en 71. Enfin, c'était ça pendant toute la course. C'est incroyable, les gars se suivaient, ils changeaient de position parce que... Et là, c'était un petit peu ça. C'était le côté très cool du tracé Spider Cochon. Mais maintenant... le tracé en ville, Mars est chiant, et puis ouais, tu fais ton tracé juste en bordure des casinos, machin, dans le désert, t'inquiète que sur les plans larges, tu verras toute la ville, quoi. Et tu peux caler quelques plans, notamment, c'est vrai que dans le strip, j'avoue, j'essaye de m'éloigner le plus possible du félin, mais comme team, c'est vrai que quand tu vois les lumières et tout, je suis en mode, ouais, c'est joli quand même, tu vois. Mais c'est pour ça, moi, que la cérémonie, j'étais pris dedans et ça m'a hypé. C'est que tu voyais le bâtiment des stands avec le gros F1 sur le toit, tous les écrans, ça faisait des jolis trucs et tout. Et en fond, derrière, tu voyais Vegas, les grands immeubles, les grands trucs, la fontaine du Bellagio, les feux d'artifice. Et je me suis dit, en fait, pour moi, c'est ça, Vegas. Et c'est ça que je voulais voir pendant le week-end. Alors forcément qu'en course, tu ne vas pas mettre ça parce que, tu ne verrais pas la course. Les feux d'artifice et tout, tu ne vas pas mettre ça pendant 2 heures de course. Mais pendant le début de la course, à la fin des qualifs, pendant l'hymne, à la fin de la course, tous ces trucs-là, en fait. Et j'étais très déçu qu'il n'y ait pas tout ça. Et là où tu disais, Mick, de faire un circuit à l'extérieur et qu'on verrait quand même la ville et tout, pour moi, Melbourne, là-dedans, est très bien. Parce que le circuit, au-delà d'être déjà dans un beau cadre, parce que le parc est joli et tout, mais quand au début ou à la fin des épreuves et tout, t'as les plans larges sur le circuit en bas, ouais, tu vois, et la en fond, la skyline de Melbourne, c'est joli. Tu sais que t'es à Melbourne et l'endroit est bien et c'est bien foutu et c'est joli. Et même, tu sais, là, cette ligne droite du deuxième secteur là, qui est un peu en courbe, où ils ont enlevé la chicane pour la nouvelle édition, oui. Et ben, dans ce plan-là, tu vois, surtout sur les photos, et j'aime beaucoup les photos ici, et en vidéo aussi, mais tu vois en arrière-plan, bon, t'as les grillages, c'est pas beau tout ça, mais tu vois un bord du lac, et derrière, t'as les bâtiments, et je trouve ça extrêmement cool, quoi. Et c'est pour ça que Melbourne, pour moi, ça reste une de mes destinations préférées, et, parce que le cadre est cool, et même si ces dernières années, les Grands Prix sont chiants, il y a un moment, pour moi, de la Formule 1, c'est, comme disait Verstappen, oui, c'est le côté sportif et tout, mais pour moi, il y a aussi le côté juste que ce soit joli à regarder, quoi. Moi, quand je voyais le Grand Prix d'Autriche, j'ai toujours pris mon pied là-bas parce que c'est juste joli, tu vois, au-delà du tracé ou quoi, t'as de la verdure, t'as du dénivelé, pareil un peu pour Austin. Maintenant, bah ouais, tu me fous ça sur un tracé urbain de nuit, bah ça ressemble à rien. En un coup d'œil, tu sais où t'es, tu te regardes et tu vas. Parce que là, c'est vraiment le virage 5, là où le droit à 90 degrés, je te jure, tu le copie-colle n'importe où. Alors, tu joues juste le sponsor, parce que T-Mobile, évidemment, on va pas faire ailleurs, mais c'est vraiment. Et puis, je me faisais la réflexion l'autre jour. Vous vous souvenez de 2008 quand ils ont annoncé Singapour C'était cool, enfin, tu sais, Grand Prix de nuit, ça faisait, c'était super. Il y en a 6 des Grands Prix de nuit aujourd'hui, si on compte à bout d'un quart. Il y a un quart de la saison, c'est un quart de la saison, c'est de la nuit. C'est ça, c'est déjà un circuit urbain. Enfin, aujourd'hui, n'importe quel nouveau circuit est urbain quasiment. Ben oui. Donc le côté pas historique, mais exceptionnel d'aller Melbourne, Monaco et éventuellement après. Un genre de semi-urbain type Singapour ou Abu Dhabi, et encore c'est pas du tout un semi-urbain, mais enfin voilà, on a l'idée, en fait est complètement cassé parce qu'aujourd'hui quasiment la moitié, je suis même pas sûr d'abuser, quasiment la moitié des circuits sont des urbains ou des semi-urbains type Jeddah. Et je trouve que du coup ça casse complètement le côté exceptionnel de la chose, et si en plus on rajoute à ça le côté de nuit, c'est encore plus inintéressant, parce que pour le coup de nuit, n'importe quel circuit de nuit se ressemble, sauf si les alentours sont reconnaissables, et pour le coup je trouve que à part Singapour et Jeddah de plus en plus, les alentours des autres circuits sont pas reconnaissables du tout. Là cette année, j'ai remarqué, t'as eu une suite Azerbaïdjan, Miami, Monaco. Ouais. Oui. Ou tu peux aussi rajouter l'Australie avant, même si c'est quand même un vrai circuit entre guillemets. Et t'avais l'Arabie Saoudite avant. Enfin, t'as que des. Moi, ce qui m'a gonflé, moi, de Las Vegas surtout, c'est que, alors déjà, ils t'en mettent plein la gueule, ouais, machin, Las Vegas et tout. Enfin, moi, ça m'a gonflé. Mais alors, en plus, le truc, c'est que, tu sais, quand ils commencent le spot, la diffusion live, ils te présentent toujours le circuit en 3D, tout le bordel. Et là, la première chose qu'ils ont présenté, c'est les hôtels et les casinos. Genre, mais... qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait? Tu vois, j'étais là, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Alors, ça c'est l'hôtel machin, ça c'est l'hôtel mes couilles, machin truc. Et puis après, ils te mettent le circuit par-dessus. Et en fait, finalement, bah, tu vois rien. Tu vois pas le circuit, tu vois même pas le truc et tout. Puis tu fais, bon, bah, de toute façon, si c'est pour voir un cochon à l'envers, ça sert à rien. Mais, et tu te dis d'accord. Et du coup, dans tout ça, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, ouais, c'est dégueulasse. Il y a que même le strip, c'est pas beau. Oui, alors ça c'est aussi le truc qui m'a marqué. En fait, c'est moche. Le strip est une ligne droite moche. Ouais. Hein, je me suis pas rendu compte. Et attends, je suis désolé. Mais alors le bout de la ligne droite en caméra embarquée, c'est joli parce qu'il y a de la lumière. Ouais. Alors les motes casque avec les gros yeux, etc. Bon, pour 2,4 milliards l'investissement, ça fait quand même un peu cher. Enfin, ça fait un peu cher. Hein. Ouais, ça fait un peu beaucoup quand même juste pour une visière avec un casque. Bon, alors oui. pour le coup, les 2 milliards 4, c'est pas uniquement les LED sur la boule, c'est ça, tout l'intérieur et tout et tout. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour payer le salaire de Bono. Oui, bon. Mais, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, t'es là, bah oui, ok, merci, mais enfin bon. Juste pour finir sur cette sphère, pour le coup, avant le Grand Prix, il y a un spot qui a été publié, de pub qui a été passé. Parce qu'il y a donc la Formule 1 et Puma qui ont fait une collaboration pour sortir une collection de vêtements avec le rappeur ASAP Rocky. Et pour le coup, avant le Grand Prix, il y a une pub de ça qui est passée sur la sphère et la pub a été pensée. Parce qu'elle allait passer sur la sphère. Et déformation de l'image sur la sphère a été réfléchie dans la façon dont ils ont fait le truc. Et c'était super bien exploité. C'était très joli. Pour le coup, dans un cas comme ça, oui. D'accord. Après, je suis d'accord que. Quand elle devient jaune pour rappeler le projet Manhattan au Colorado et puis juste marquer safety car, c'est quoi l'intérêt, quoi? Je sais qu'il y a safety car, il y a l'overlay, tu vois, pour ça. Je suis très ignorant, hein, je suis désolé. La boule, elle a été créée que pour le circuit? Elle existe? Non, c'est une salle de concert. De concert d'origine. Non, parce que quand vous en parliez, j'ai cru comprendre que ça avait été fait pour le Grand Prix. Quand j'ai commencé à en parler, je me suis rendu compte que j'étais en train peut-être d'induire les gens. Par contre, la FOM a loué la sphère pendant le temps du Grand Prix. Et c'est pour ça que YouTube, qui a une résidence là-bas qui fait des concerts, n'a pas pu les faire. Mais pour ceux qui ne savent pas, l'extérieur avec tous les LED, c'est la même chose dedans. C'est ça qui fait que c'est complètement dingue. C'est un écran panoramique. Enfin, c'est... Mais moi, j'ai trouvé le seul truc qui était joli sur la sphère, c'est la pub Heineken Silver. Vous savez, la pub où ils avaient fait des joues, machin. Ça rendait bien parce que les couleurs étaient un peu moins criardes, c'était un peu travaillé, ils avaient bien fait. Mais alors, tout le reste, le logo chrome en géant. Où ils se sont dit, on va prendre, c'est des couleurs, on va prendre des quadricolores, les quatre couleurs primaires. Là. On va faire pareil, tu vas juste mettre le bleu, mais le bleu de base que tu as dans Paint, c'était. Non, en vrai, ils auraient laissé juste ça, ça aurait été très bien, je trouve. Un truc sobre. Ah oui. Très bien. Mais c'est vrai que. Le montage qu'il y en a certains, ils ont fait avec la bouche d'égout, là, ça aurait été impeccable. Non, parce que, en vrai, là, le truc de l'emoji casque. Pour moi, en fait, rien qu'en le voyant, il y a eu le processus de réflexion qui fait c'est rigolo. Et après, j'ai fait ça va devenir un gimmick, ça va être ridicule. Ils vont le milquer, enfin, ils vont le traire comme pas possible et ça va être chiant. Et je pense que j'ai pas été seul dans ce cas-là. On va, dans quelques instants, avant de venir à vos questions et d'adresser deux, trois petits mots à propos. D'un très grand champion du monde des temps modernes qui n'a pas peur d'aller aussi vite en piste que dans sa parole. On va essayer d'apporter de la joie ce soir, cette nuit ou cet après-midi pour vous. On va faire une petite pause, peut-être cadeau. On se retrouve tout de suite. Télé cadeau pour s'en mettre plein les euros. Formule BlaBlaCorp Limited te propose de gagner des lots incroyables en rapport avec la Formule 1. Participe au tirage au sort pour peut-être gagner un lot de la catégorie 1. Un body pour bébé entre 12 et 18 mois, une casquette spéciale du Grand Prix de Miami, un pyjama officiel Formule 1 en taille L, le t-shirt officiel du Grand Prix de Miami en taille L, un masque sanitaire Kimi Raikkonen et plein de jeux vidéo de Formule 1 comme le célèbre F1-05 en portugais avec Thiago Monteiro sur la couverture. Alors, beaucoup de ces cadeaux ont déjà été gagnés. On arrive au bout du palier. On va bientôt passer à de nouveaux cadeaux, mais on va déjà essayer de voir qui va remporter ce qui reste Strigoon. Aujourd'hui, on va tirer au sort deux noms, puisque comme ça nous permet de d'écouler plus vite le stock, parce que là, faut enchaîner. Le stock de participants ou de cadeaux? Les deux. Non, je rappelle que j'ai un carton comme ça chez moi de cadeaux qui sert à rien. Hein, donc, vas-y, et je te laisse. Je suis très heureux de vous les offrir. Oui, voilà, je suis très heureux. J'en profite entre temps pour vous demander, les jingles, quand ils jouent, il y a un son bizarre ou pas? Pas du tout, pourquoi? Non. Ok, bah c'est que chez moi, il y a un son très bizarre. Alors, je vois quelqu'un dans le chat parler de F1-05 avec Thiago Monteiro, il est parti. Ouais, ça a été le dernier lot qui a été gagné. Aussi, hein. J'ai eu très mal au cœur en allant à la poste. Surtout que la poste, ça a bien fait chier, apparemment. Oui, ouais. Bon, c'est la poste, classique. Alors, merde, on est emmerdé, là. Oui, mais c'est Stéphane. Félicitations Stéphane, tu as gagné. Mais merci. De toute façon, on a son email, hein, donc on va envoyer un email pour que si vous êtes présent dans le chat, vous nous rejoigniez aujourd'hui ou peut-être la prochaine fois. Absolument. Et un second nom, Strigoon. Surtout, je fais un petit appel parce que c'est moi qui m'occupe d'envoyer en général les mails. Répondez. Même si vous n'êtes pas dispo, oui. C'est pas grave. Vous répondez et on essaiera de vous faire participer au prochain oui. Live. C'est pas un drame. Oui, hein, oui, c'est parce pas grave que si vous répondez pas dans la minute. Hein. De toute façon, voilà. Comme c'est inscrit dans les conditions générales d'admission, si vous répondez pas au bout de 7 jours, on passe à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est perdu. Et puis, voilà. C'est marqué niquez-vous, je crois. Faites tourner Strigoon. Je crois, Tim, tu as le lien pour ceux qui veulent participer. Oula. Oui, je l'ai. Pas de problème. Mais... C'est pas oula. Et alors, mince, je croyais que je m'étais mis des trucs de côté, j'ai oublié. Ah, et il y avait aussi un point sur lequel je voulais revenir. Alors, déjà, oh là là, je crois que notre souci... Attends, j'arrive pas à lire. Saldik F1, Chaldik, bravo à toi. Bon. Tim n'applaudit pas, mais parce qu'il n'est pas respectueux. Je suis en train de faire... Tu relances des publics comme ça. T'es... Allez, on applaudit. Ouais. Et si tu le fais hors champ, t'as l'impression que tu tapes quelqu'un. Ouais, ça, c'est le cas. Bon, normalement, rien à voir. Là, parce que je pensais problème de son, melon. je pense qu'il faudra que je partage... mon échange avec l'assistance technique parce que en fait ce qu'on a eu comme problème plusieurs fois, Michael, c'est que moi je passe directement par ça pour streamer tout ça, et je fais clic arrêter le stream, ça envoie le jingle de fin, il y a Gazou qui fait allez au revoir et qui part, c'est fini, et ensuite on était encore en live. Embêtant, ça, c'est une histoire, mais il faut que je la partage. Mais le gars à qui je parlais ne comprenait pas un mot. Genre, mais t'as essayé de cliquer sur le bouton stop? Je te jure, il me dit, est-ce que vous avez essayé d'appuyer sur le bouton arrêter le stream? Cliquez ici pour toutes nos TED, how to start with melon, machin. Je suis relativement patient comme personne, je pense, mais j'avoue que là, le... Faut t'inquiète, tout le monde perd pas cher, ça. Découvrez notre guide exclusif, comment appuyer sur un bouton arrêté. Ouais. Il y avait un truc aussi que je voulais souligner, que je m'étais mis de côté, j'ai oublié d'en parler. Alors, c'est Arash Markazi, si je ne corche pas son nom, qui est journaliste pour The Messenger, qui a reporté il y a deux jours. Je suis fasciné par le chiffre qu'il donne pour le véritable impact financier du Grand Prix de Vegas cette année. Le strip est mort, il dit « the strip is dead ». Les restaurants sont vides, le show est sombre, le spectacle est sombre, on voit rien quoi. Ils disent à tout le monde, à tous ceux qui n'ont pas de ticket pour le Grand Prix, de dégager quoi en gros. Ah, yes. C'est une scène froide et misérable. Et on a eu à cela Karim El-Oukbani sur le Twitter, qui a dit « J'ai lu aussi que les casinos n'étaient pas contents car les fans de F1 ne jouent pas dans les casinos, d'où une perte nette, car ils ont dû rejeter des séminaires d'entreprise sur ce créneau de l'année. » Magnifique. On est parti pour le premier vrai four de Liberty, probablement, dit-il. Oui, parce que même si on s'est amusé aujourd'hui, c'est exactement tout ce qu'on ne veut pas en Formule 1, en fait, ce week-end. Je veux pas que tous les Grands Prix viennent comme ça, quoi. C'est pareil. Ouais. Par contre, je vais devoir vous laisser, messieurs. Hein. J'aime beaucoup, mais je dois bruncher. Ok, ben, casse-toi. Oh là là là. Tu veux pas faire ta pub tant que t'y es ? Casse-toi, virgule, monsieur connard, au moins. Sois poli, oui. Bah, écoutez, ma pub, c'est le récit café. Oh putain, bah, tu parles d'une pub. Tous les jeudis, 20h30. On a eu un raid de RMC Sport un jour. Ah, ça te la coupe, hein ? Nous aussi. Non, j'étais là. Nous aussi. Ouais. Et tu sais que nous, c'était pendant l'émission, la nouvelle émission, ça dérape, on regardait des extraits, des vidéos de créateurs de contenu qui se sont dit, tiens, on va parler des meilleurs crashs en Formule 1, parce que ça fera peut-être du clic. Ils t'ont envoyé... On est arrivé en plein raid pendant qu'on regardait comment Jules Biaschi était mort. Jules Biaschi a rendu l'âme. Oh, elle est violente celle-là. Oui, non, mais enfin, c'est un massacre, un crime contre l'humanité. Il y a une chaîne qui s'appelle Drive, D-R-Y-V, qui devrait largement vous intéresser. Parce qu'il fait genre des vidéos genre... Et qu'est-ce qui se passe quand on donne une super voiture de F1 à un prodige ? Eh ben, ça donne Esteban Ocon. Esteban Ocon, il a commencé, il n'avait pas de pognon. Eh ben, c'était pas cool. Le mec, en mode les vidéos motivation. Oui, mais je crois que j'ai déjà vu. C'est des shorts, là. Ouais, et c'est insupportable. Il y a une chose à savoir. C'est que ce genre de motivation, en fait, moi, ça me motive à leur mettre des tartes. Oui, complètement. Oui, mais moi, ça motive à mettre la tarte, là. C'est ce qu'ils veulent. Non, mais sinon, en termes de publicité, écoutez, le récit café, c'est tous les jeudis à 20h30. Et ça continuera même pendant les vacances. Et puis, voilà, tu seras un fort. Les mails sont envoyés. Le lien du live est envoyé aussi. Si jamais vous êtes là, venez. Sinon, si vous ne pouvez pas, répondez aux mails et on vous calera au prochain FIMG Night Fever. Eh oui, il y a un truc, Michael. Je ne sais plus dans quelle vidéo c'était, mais. Il parle de Michael Schumacher, du fameux célèbre crash de 98 à Spa. Au départ, tout ça. Et alors, je te le raconte à peu près comment c'était. David Coulthard est en train de chasser Michael Schumacher au championnat du monde. Lors du départ, il se rate un petit peu et cause un crash qui prend plusieurs voitures. Chose très rare en Formule 1, la course est relancée. Michael Schumacher, qui a subi des dégâts, roule sur trois roues. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il reste l'homme le plus rapide en piste. Il a envie de casser la gueule à Coulthard. Enfin, en gros, il dit pas ça exactement comme ça. Je te jure, tu comprends rien. Ça n'a aucun sens. Je te jure, c'est incroyable. Tu te dis, mais c'est pas possible d'être. Aussi con, visiblement, oui. C'est... D'être ignorant, c'est une chose parce que tout le monde n'a pas à savoir. Mais quand après tu viens en parler, il faut au moins l'effort de comprendre de quoi tu parles. Ils sont plus cons que nous. De toute façon, c'est toujours ceux qui ignorent le plus qui en parlent le plus aussi, des fois. Hein. Regardez la durée de nos émissions. Hein. Oui, on en parle beaucoup. Hein, et pourtant, on le récit de café, c'est la même durée. C'est pire, des fois. Oui, c'est plus long. Et on parle de plein de sujets qu'on ne maîtrise pas, d'ailleurs. Donc, venez jeudi. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce petit déj, mon cher. Merci d'être passé, d'être resté si tard. Et puis, à très bientôt. Hein, t'as fait, oui, oui. En boîte, il est 4h du mat. Ouais, bah, il faut. Allez, vide, vide les machines à sous. Ouais. Oui. Et la bonne bise. Hein. Ah, là. Que des avocats ont demandé des dédommagements aux spectateurs. Oui, on a entendu parler de cette affaire des potentiels dédommagements. C'est ce qu'on disait plus tôt. Hein. Vous inquiétez pas, les Belges, SPA, en 2021, ont été plutôt sympas. Là, on est aux États-Unis, vous êtes dans la merde. Alors, Tim, est-ce que tu as un petit peu suivi Clash Stappen, si je peux l'appeler comme ça, ces derniers jours? Ah bah oui, oui, quand même. C'était pour le coup le divertissement du week-end, il était là. il a provoqué le divertissement, il a été le divertissement. Ça a commencé un peu déjà dès le Brésil, hein, puisque rappelez-vous, depuis le Grand Prix du Mexique, on a des panneaux LED qui nous disent « J-27 avant Las Vegas !» Bah. Ouais. Voilà. Pourquoi pas. Après le Grand Prix du Brésil, eh ben vas-y Strigoud. Ah merci. Je suis béré. Attends, je mets quand même une boucle. Bon, je change un peu de costume, mais c'est pas grave. Oui, d'ailleurs, il faudra que je clippe ce moment lors du dernier live, parce que ceux qui étaient là il y a deux semaines, vous avez vécu ce grand moment de gêne où on a lancé le live. Et c'est pour ça que j'ai contacté la plateforme en étant très pas content. Le live s'est coupé, mais on ne le savait pas. Et on ne l'a pas vu. Enfin, et du coup, dans le chat, vous étiez... il n'y avait plus de chat, puisque c'était terminé. On se disait, merde, il n'y a personne qui nous aime. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé que le live faisait 52 secondes. Que c'était juste le truc d'attente et qu'en plus de ça, les micros qui normalement sont automatiquement coupés étaient ouverts et on entend Strigoun dire à sa compagne « Attends, faut que j'aille pisser ». C'était formidable. Et rien que ça, on va le garder de côté. Du coup, voilà, la Strigoun est partie boire un verre d'eau. Alors, j'essaie de retrouver, mais l'ami Maximus a commencé du coup dès la fin du Brésil, lorsqu'on lui a dit « Alors, Vegas, dans deux semaines, comment ça va ?» Ouais, ben j'ai un peu roulé dessus au simulateur pour le moment. Bon, je me suis pas mal crashé, mais on n'a pas encore pris trop le temps de regarder ça. C'est de la ligne droite, donc ça devrait être un peu plus compliqué pour nous. Ouais, mais c'est Las Vegas! Ouais, mais vous me saoulez, là, avec vos spectacles. Moi, je suis là pour faire la course. Et ça a commencé un peu comme ça. Et plus les jours du week-end avançaient, et plus il a été, on va dire, puissamment, puis c'est un adjectif qui existe, violent à l'encontre de l'organisation. Et je vais essayer de retrouver... la citation, enfin l'article, je suis très triste parce que je pensais l'avoir de côté. Et il est de retour. Oui, tiens, en attendant, Strigoun, pour divertir le monde, partage oui. Ceci, ça fera plaisir à tout le monde. Bien sûr. Là on parle du plaisir des yeux, hein, bien évidemment. Mais si, on en a déjà parlé dans d'autres lives, et là, c'est quelque chose qui se concrétise, donc c'est formidable. Putain. Regarde, il a fait son petit cadeau à son coéquipier. Il a offert une photo encadrée de son shooting pour son calendrier. Zoom, zoom sur la photo. Ah oui, oui, on voit bien. Ouais. On voit bien la paire de miches. Ah, mais Twitter, c'est de la daube, putain. Non, mais tu fais clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, et après, tu peux zoomer. Ah là là. Oui. C'est moi le vieux maintenant, et c'est à moi d'apprendre comment qu'on fait le Twitter. c'est génial. En plus, le fait de voir un peu scruter l'image... Même Joe a l'air heureux d'avoir ce cul en photo. Ouais, il y a eu la petite vidéo pour les réseaux sociaux, hein, où il entre dans le petit espace, comment on appelle ça, là, pas le sa salle de préparation, il va voir Joe et il lui fait tiens, j'ai un cadeau pour toi. Et Joe, il l'a regardé, il a fait est-ce que c'est ce que je pense? Et Bottas, je lui ai fait je pense que c'est ce que tu penses. Donc voilà, il lui a fait un petit calendrier et tout. Ouais, non, c'est très, très cool. Les deux s'entendent bien, donc c'est assez positif. On n'a pas parlé des Alfa Romeo aujourd'hui, à part pour dire que leur livrée nous embêtait parce qu'elle ressemblait à la Mercedes. Mais il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça, hein, parce que ça a été un week-end calamiteux. Pourtant, il passe en Q3, hein, Bottas, mais ils ont toujours du mal à trouver le rythme de course. Bon, je retrouve pas. C'est dommage. Ça manque Kikin. Grosso modo, il expliquait que il n'aime pas du tout cette approche du spectacle, la manière dont c'est vendu aux spectateurs. Il n'aime pas du tout le fait que on vende un spectacle plutôt qu'un Grand Prix, puisque, dit-il, les gens qui viennent nous voir ne comprennent pas ce qu'ils vont voir, en fait. La plupart, hein, bien évidemment, tu as toujours des passionnés. Tout ça, il parle de la majorité. Bah, oui, parce que faut dire ce qui est. Quand la majorité des places sont à 4-5 chiffres, bon, il y a si très plus. Voilà, la plupart des gens qui vont venir, c'est pas... Le grand monde passionné tel que nous, parce que quand tu dois mettre ton salaire annuel pour voir une séance de F1 à une place correcte, bah, voilà, c'est que... Surtout les matchs vus, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que je le rejoins un peu, Verstappen, c'est que c'est vraiment... en fait, t'as l'impression que les mecs, ils vont... c'est limite, c'est le cirque, quoi. C'est le cirque du soleil, c'est le cirque plein d'air, tu vois. Genre, t'as vraiment l'impression que les mecs sont là, on leur montre, on leur fait faire des acrobaties, et puis après, bah voilà, regardez, ils sont rigolos, hein, nos acrobates. Et puis après, tout le monde repart faire son business, chacun dans son coin, tu vois. C'est presque un peu de ce ressenti qui se donne à force, et moi, ça commence à me gonfler un peu. Ouais, c'est un événement sportif, quoi, avant d'être un événement spectaculaire. Alors oui, c'est spectaculaire, la Formule 1. Mais ça reste un événement sportif, quoi. Voilà, le fait que ben on vende. Alors il y avait un concert privé de je sais plus qui. Il y avait des concerts de ci et ça. Il y a des parties ici et là. Bah ouais, au final, les personnes qui ont le budget, ils viennent pour l'ensemble du truc. C'est pas. Enfin, alors que plutôt, je pense que l'approche qu'il faudra avoir, c'est de vendre un Grand Prix et de proposer des activités pour les spectateurs, et pas un package complet où au final tu te dis « Ah bah tiens, je vais aller voir le concert de Machine et de Bidule, et puis ensuite il y a une exposition de ça, et ça tombe bien, il y aura un Grand Prix au milieu, on pourra regarder. » Là-dessus, je pense que c'est économiquement, la Formule 1 se devait de faire quelque chose, étant donné qu'il n'y avait pas de course support, il n'y avait que de la Formule 1. Tu dois trouver un moyen, surtout quand c'est toi le promoteur, de garder les gens dans l'enceinte du circuit. Mais les gens ne regardent pas les courses support la plupart du temps. Oui, oui, mais sur un circuit, sur un week-end classique, on va dire, où il y a Porsche F2, F3, tu sais que sur tous les gens qui sont là, tu vas peut-être avoir, allez, si je suis généreux, un tiers des gens qui vont regarder Porsche et F3. La moitié peut-être qui vont venir pour la F2. Mais le reste du temps, ces gens-là, ils font. Enfin, tu vois, si je prends l'exemple de un truc comme Budapest, par exemple, qui est paumé. Alors c'est à côté de Budapest, mais c'est pas non plus. Enfin, tu quittes pas le circuit, tu vas en ville et tu reviens. Donc il faut que tu trouves un moyen de garder les gens sur place. Sur les circuits classiques, la Formule 1 s'en branle parce que c'est pas eux, c'est pas leur argent, c'est pas. Ils s'en foutent. S'il y a un mec qui vient, il vient pour voir la F1 et il s'en va dans la foulée, la F1 s'en fout, elle a vendu son billet, elle est contente. Là, pour le coup, c'est eux qui payent les artistes qui viennent, c'est eux qui mettent en place les stands de bouffe, les stands de merch, s'il y a un concert, s'il y a ci, s'il y a ça, enfin, c'est eux qui payent tout. Donc, il faut qu'ils rentabilisent, donc il faut qu'ils trouvent le moyen que les gens restent. Et comme on ne peut pas faire sur la même journée enchaîner FP1, FP2, FP3, qualif course, pour que les gens restent assis du matin 9h jusqu'au soir 22h, et ben, il faut que tu trouves des moyens. Donc, ils te font des concerts, des packaging, des ci, des ça. Et là, si tu payes pour tout, je trouve ça, là, pour le coup, plus cohérent. Quitte à payer 4000 balles ta place, que dans les 4000 balles, tu aies un repas, que tu aies un concert, que tu aies le droit d'avoir une visite de tel paddock, de tel truc, que tu aies le droit d'avoir ci, d'avoir ça, quitte à payer. Je trouve que c'est plus cohérent plutôt que de payer 500 balles ta place et que en plus il faille que tu rajoutes 200 par-ci, 200 par-là, 300 là, 100 là, etc. Même si au final tu arrives quand même pour la même expérience au même prix, mentalement parlant, tu te dis je paye ça et en plus j'ai tout ça, plutôt que de te dire je paye ça et après il faut que je repaye ça et que je repaye ça, etc., etc., etc. Alors totalement, oui, ce string, tu l'as eu, FIMG poulet du dimanche, exactement ça. Là, c'est le FIMG déjeuner fever. Hein. On a fait le petit déjeuner, maintenant c'est l'heure du déjeuner. Alors Strigou n'a pas décongelé sa viande, du coup on va pas manger sans lui. C'est dommage, j'avais j'ai un gratin dauphinois qui m'attend, mais c'est pas grave. Ah bâtard. Et voilà, j'ai retrouvé les citations de Verstappen traduit à l'arrache. Une Formule 1 sur un circuit urbain ne délivre pas tout son potentiel. La F1 mérite avant tout de vrais circuits. Quand vous allez à Spa ou Monza ou des circuits du genre, c'est surtout de la passion, de l'émotion. Et voilà. Et pour lui, et à peu près. Le spectateur, donc on en revient à ce qu'on disait sur les gens qui peuvent se permettre hein, ce type de truc, ils viennent pour faire la fête, voir un DJ, etc., se murger la tronche. Et que pour lui, et je pense que c'est pas, enfin c'est assez positif, la manière de penser, c'est de dire ben, au final, les gens, ils regardent des voitures rouler, tout ça, ils peuvent un peu connaître la F1 par Netflix ou je sais pas quoi, mais pourquoi pas, en fait, au final, proposer des trucs qui... des événements qui expliquent, qui aident un peu à vivre l'expérience d'un week-end de Formule 1, plutôt que de dire, bah, après la course, il y a le concert de Rihanna, quoi. Et je trouve ça... ça peut être une approche aussi intéressante, dans après, le sens... Honnêtement, je pense que ça intéresse pas ces gens-là. Je pense que les gens qui vont payer 4000 balles leur place, ils vont la payer parce qu'ils vont voir de la F1, que c'est cool, c'est ce qu'ils voient sur Netflix, ils vont le voir en vrai. Enfin, sur Netflix ou à la télé ou peu importe, je ne fais pas de discrimination quelconque, mais ils voient ce qu'ils voient à la télé, virtuellement, sur les réseaux, en vrai, donc c'est cool. Et en plus, il y a le concert de Rihanna. Je pense que c'est ça qui leur fait dire « Ouais, allez, ça vaut le coup de mettre ces thunes-là. » Parce que honnêtement, je pense que la majorité des gens, des clients de ce genre d'événement-là, s'en foutent de comprendre pourquoi machin il s'arrête à tel tour, qu'est-ce qu'il fait. Oui, mais là, lui, putain, il a perdu du rythme, là, pourquoi lui, enfin, tu vois... Il faudrait... que les prix des places soient des tarifs normaux avec un S pour tout le monde, mais que dès l'instant que tu prends l'expérience Formule 1 où tu as le concert de Adèle, de Alizé ou je sais pas qui, là tu payes super méga cher et tu regardes la course dans un salon lounge avec des petits fours sur ta télé quoi. C'est ce que je te disais, je pense que là, pour le coup, marketingement, ça ne vendra pas autant de place parce que tu payes ton billet et tu payes les animations à côté. Alors que là, avec le modèle économique qu'ils ont, c'est la même chose. Hein. La finalité est la même chose. Mais c'est mentalement... Parce que là, justement, mentalement, tu payes ta place et en plus de ta place, tu as le concert, les ci, le ça, le ça. Alors, oui, mais les gens qui veulent voir que de la Formule 1, bah, ils paieraient leur ticket moins cher. Et ce serait plus abordable, quoi. Ouais, alors, mais honnêtement, les promoteurs s'en branlent, des gens qui veulent juste... Ouais, mais tu vois comme quoi leur business model, il n'est pas parfait, parce qu'ils n'ont quand même pas tout vendu, au final. Ah oui, oui. Et avec alors, mon idée géniale, là, pour... tu vends plus de trucs, quoi. Pour le coup, là, je pense juste que c'est qu'ils ont vu, très grand. Il y avait des tribunes qui étaient immenses partout sur le circuit. Ils ont vu trop grand, bien sûr que. Bien sûr. Déjà, attends, très honnêtement, tu vois qu'ils vendaient des places, très honnêtement, je suis pas sûr que même en Europe, un circuit urbain, même en Europe avec autant de places, je suis même pas sûr que pour une première édition et tout, ce serait autant vendu. Là, t'es aux États-Unis où la Formule 1, c'est loin d'être le sport. Ouais, il aurait fallu Johnny Hallyday en première partie. Et en plus, t'es à Vegas où, honnêtement, la culture auto à Vegas, enfin sport auto, parce qu'il y a une culture auto, mais la culture sport auto à Vegas. Voilà. Bah, les gens qui habitent à Vegas, déjà de base. Mais surtout, en fait, ce que je me dis, c'est qu'il faut. Enfin, Las Vegas, comme dit, il n'y a rien. Donc, c'est. Il n'y a que des hôtels et des casinos. Donc, en plus, il faut encore que tu rajoutes derrière tout ça. Alors, je ne sais pas si ça faisait partie des packages quand tu as acheté ton billet pour aller regarder la Formule 1. Tu avais l'hôtel et tout, mais pas tous, de ce que j'ai compris. Donc. Non. Donc, il y en a quand même quelques-uns. Tu vois, par exemple, typiquement, le couillon du jeudi soir qui s'est coltiné les essais libres. Et lui, il s'est peut-être pris l'hôtel là pour la veille ou pour le soir même pour pouvoir dormir sur place et repartir, par exemple, le lendemain. Le mec, lui, il a tout dans l'os parce qu'il a payé 1 200 dollars de billets et il prend encore l'hôtel à côté du coup de ça. Donc, tu en prends pour un sacré paquet de pognon. Et moi, je suis désolé, moi, je trouve quand même que c'est... Enfin, c'est... Ouais, c'est pas... Éventuellement, quand tu veux faire un voyage super sympa, soit avec des potes, soit avec ta compagne, soit avec je sais pas quoi, je sais pas qui du moins, on va dire, tu veux faire un voyage à plusieurs... Et tu te dis, bah allez, on se fait le truc, on se fait un week-end à Las Vegas. Et en même temps, du coup, comme ça, on pourra regarder la Formule 1. Là, éventuellement, mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça, tu vois ce que je veux dire. Il y en a, ils sont là, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux juste voir un Grand Prix de Formule 1, file-moi le billet pour aller regarder le Grand Prix de Formule 1, et puis c'est tout, je me démerde autrement pour le reste à côté, tu vois. Mais je pense que, ouais, ils ont un peu oublié ces gens-là, en fait. Parce qu'ils se sont dit, ouais, bah oui, c'est Las Vegas. Attends, tu vas quand même pas te déplacer à Las Vegas. Juste ouais, mais encore une fois, je pense qu'ils s'en foutent de ces gens-là. Ils s'en foutent, ouais. Il a raison de gueuler. Parce que ce mec-là va pas faire tourner tout le reste de ton expérience, oui. F1. C'est ça, ouais. Donc, il est pas intéressant. Il est peut-être intéressant sur le nombre de billets vendus, parce que non pas vendre, je dis des chiffres aléatoires, non pas vendre 20 000 billets à 4 000, peut-être que tu en vendrais 30 000 à 250, 500. Mais derrière, ces gens-là, est-ce qu'ils participeraient à acheter du merch, à aller au concert de ci, et du coup à acheter, à consommer, à profiter de telle expérience de ci, de ça, d'aller faire tourner les casinos et tout? Parce que ce week-end, si t'enlèves les fans de F1 et peut-être quelques vrais adeptes casino, resto et tout qui ont bravé la fermeture du strip pour quand même aller dans leur lieu, je suis pas sûr que les casinos aient eu fait quand même un gros chiffre si la Formule 1 était pas là et que les fans de Formule 1 qui étaient là que pour la F1 se seraient pas dit quand même, comme tu dis, oh, tant qu'on est à Vegas. Allez, quand même, on s'en fait un ou deux, tu vois. Je pense que ça aurait quand même pas marché. Ouais. C'est pour ça que... Et pour le coup, alors je trouve ça très con hein, pour le sport et tout, mais marketingment parlant, je trouve qu'ils ont raison d'aller taper cette cible-là qui va débourser 4000 balles, qui va avoir de quoi faire pour faire tourner l'économie autour, et qui va permettre juste très égoïstement de d'enrichir ou au moins d'amortir le prix de... Pardon. Bah. Ok. Désolé. Oui, donc qui va permettre d'amortir le prix du week-end pour la FOM, voilà, pour terminer, puisqu'on veut me faire taire. Bah, oui, parce que je trouve que tu suis pas assez le narratif de notre champion du monde, Max Verstappen, qui lui n'a pas peur de dire les termes, Tim. Ah, mais après, je suis d'accord avec lui. Hein. Je préférais tellement qu'on fasse que des grands prix à Silverstone, à Monza, et etc., où c'est spectaculaire, où il y a un vrai engouement, mais parce que les gens créent l'engouement, en fait. Monza, il n'y a rien autour. T'as pas de. Enfin, maintenant, sur à peu près n'importe quel grand prix, tu as toujours un concert, un ci, un ça. Mais Monza, le truc qui te fait bander devant ta télé, c'est de voir des tribunes rouges avec des putains de drapeaux immenses de Ferrari partout. Et pourtant, je suis loin d'être un tifosi, mais c'est là où tu te dis, oui, là, il y a un truc. Putain, là, tu vis l'événement. Bon, vous semblez avoir des trucs à dire, alors on va essayer de vous écouter. Allez, vas-y, fuck-moi. Allez, fuck-moi! La foire ultra questionnée, c'est tes questions et on y répond tout de suite au hashtag fuck. Ça a quand même pas le même charme un dimanche à 13h plutôt qu'un samedi d'habitude. Là, j'imagine les gens, ils sont devant leur poêle rôti qui est encore en train de tourner à la broche, tu sais, dans le four. Et là, t'entends, allez, fuck-moi! Mais le poulet, il est déjà fucké, pourquoi tu te demandes ça? Avançant. Alors. Bon sang. Alexis, le spectacle avec les fontaines avant le podium, c'était claqué ou je suis aigri? T'es aigri? Non, et c'était claqué aussi. Bordel. Ça, on y a répondu tout à l'heure. Aurait-on dû faire rentrer Leclerc à nouveau pour des possibles médiums pendant la voiture de sécurité? Bah ça, on en a aussi parlé tout à l'heure. Il n'avait pas de médium neuf à remettre. Est-ce que c'était un problème généralisé à toutes les plaques d'égout ou que celle-là? Je crois qu'ils en ont revu quelques-unes, mais il n'y en a qu'une seule qui s'est vraiment, posé souci. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé non plus aussi, hein, mais le coup de Carlos Sainz qui chope une pénalité parce que je comprends, si tu veux, que c'est délicat à gérer, mais avec le nombre de fois où on a pu avoir des circonstances extérieures qui endommagent une voiture, qui ne sont pas liées au pilote ou à l'équipe ou à une autre voiture, j'arrive pas à comprendre qu'il n'y ait toujours pas quelque chose pour dire bah dans ces cas exceptionnels, les commissaires du week-end peuvent autoriser le pilote a effectué des réparations sans avoir à subir de pénalité. Voilà. Bah surtout quand c'est pas pour une raison de fiabilité, quoi. Tidigo, le problème avec Norris n'était-ce pas les pneus qui étaient trop froids? Il y a un moment, pneu froid ou pas pneu froid, c'est lui qui a fait la boulette, les autres n'ont pas fait de boulette. Il a fait une boulette. Voilà. Et honnêtement, les températures, bon, elles étaient froides, mais on en a vu des bien pires, je pense. Et puis, on était à 10 degrés, je crois, sur les 5-6 qui étaient annoncés il y a deux semaines. Mais peut-être aussi que les projecteurs, ils ont aidé un peu. Hein. Peut-être. Un peu dans tous les sens, partout, là. Force, les quoi des lumières, les projecteurs, les lumières. Je sais pas si c'est du LED ou si c'est du halogène, mais enfin, à force d'éclairer dans tous les sens, peut-être que ça aide un peu à réchauffer un peu l'atmosphère. Oui, ça doit peut-être chauffer un petit peu. Après, je suis pas sûr que tu gagnes beaucoup. Hein, c'est pas. Mais voilà, non, mais on parle tout le temps de la pollution. En attendant, ouais. Moi, j'y vois des points positifs. Voilà, ça vous plaise ou non. On a du temps pour dessiner des trèfles et des pics sur les vibreurs, mais on n'a pas le temps d'inspecter le circuit. Ah ben ça, c'est malheureusement, c'est pas la FIA qui peint les petits trucs. Donc oui, ils ont été les organisateurs qui auraient dû être plus vigilants. Ça, on a répondu. Combien y a-t-il eu de Grand Prix de Pau et de Monaco dans l'histoire? Étonnant qu'on ne parle plus des commissaires qui se déplacent pour former leurs homologues pour de nouveaux événements. Beaucoup, pour te répondre. Pau, c'est quasiment sur le circuit actuel, c'est quasiment 100 ans. Donc, et Monaco, c'est presque pareil. Hein. Ouais, à 1929, je crois. Une édition par an, en enlevant là les récentes années Covid, etc. En enlevant peut-être les périodes de guerre, en enlevant tout ça, t'as à peu près entre 70 et 80 Grand Prix, je dirais. Ouais, tu trouves assez facilement. C'est simple, hein. Hop, en fait, tu regardes le Wikipédia Grand Prix de Pau. Grand Prix de Pau. 16, je crois. 79. Ah. T'auras pas loin. Et tu te prétends fan? Mais par contre, je suis sûr qu'il sait quel pilote est le plus titré au Grand Prix de Pau. Bah oui, c'est le meilleur. Le GOAT. Bah, il répond pas, hein, par contre. Ah, il faut aussi parler. Bah oui, forme les jambes quand même. Mais c'est Jim Clark. Et en France, on a gagné 27 fois. C'est... Merci Wikipédia pour l'info. Le dernier en date enregistrée, c'est 2019. Oui, donc t'es... Ah ben non, mais du coup, t'es au 82. Oh là là, j'arrive pas à croire que ce soit pas à jour. 82. Ouais, mais c'est ça. Alors, il y a eu l'édition de 2022 qui... Alors, la première édition, c'est 1899, mais c'est oui, pas vraiment c'est... considéré comme tel. Et c'est 1901 où on considère vraiment le premier Grand Prix. Et pour ce qui est de Monaco, c'est un peu plus tard, je crois. Enfin, un peu genre 20 ans plus tard. Wikipédia, je crois. Je sais pas pourquoi j'ai 1929 en tête. Parce que j'ai raison! Tout simplement! William Grover Williams sur Bugatti. Voilà. En plus, je suis con, j'ai fait une vidéo dessus. C'est pour ça que je le savais. Les plus grands vainqueurs de Monaco. Donc ouais, voilà, on en est à une bonne... ça fait quoi, 40... Non, 80 peut-être éditions depuis 1930. Si on enlève une dizaine d'années, ouais, c'est ça. 90 peut-être dans ces eaux-là. Oh non, là là. Ils n'ont pas passé le cap des 90. D'accord. Je croyais qu'il y avait eu un anniversaire il n'y a pas longtemps. Mais... Ok. Tu pourras me le rappeler, Strigoun, pour Sheldick qui repassera la prochaine fois. Oui. Me le noter quelque part, peut-être dans le conducteur. Ou, Non, mais j'ai pas le droit d'écrire dans le conducteur, moi. Ah bah ouais, c'est bien fait pour toi. Ah ouais, bah, ou épingle le message. Je vais épingler le message. Attends, bah, oui, ouais. Bon, tu... Alors, Umi Bozu, le Grand Prix de Vegas craint-il autant que Miami pour nous ou pas? Non, pour moi, c'est beaucoup mieux, pour être honnête. Alors, je trouve que Miami part d'une base extrêmement faible. Mais, comme on le disait, en termes de... sportif, c'est pas tant intéressant que ça pour les pilotes, mais en course, on a vu que si t'es dans un peloton, ça peut donner des trucs marrants. Et Miami, je trouve ça dégueulasse, en fait, le Grand Prix, je le trouve moche, tout simplement. Oh, intéressant, le tracé, il n'y a rien de plaisant. On rigole toujours de leur fausse marina, mais c'est une aberration, hein, très sérieusement. Aussi, enfin le coût des peintures sur les zones hors piste, j'ai jamais accroché à ce délire. Pour moi, il y a un effet Paul Ricard presque. Donc je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, à choisir, je prends plus Vegas que Miami. Aucun des deux, les deux poubelles. Bah non, mais c'est choisir entre la peste et le choléra. Ah, Tim, tu réfléchis ou ne se prononce pas? Non, moi je prendrais Vegas aussi, mais par défaut, et parce que je me dis qu'il y a... Alors déjà, c'était la première édition et qu'il y a potentiel d'amélioration. Là où je pense que Miami, on a atteint le plafond de verre et que ça restera de la daube, sauf course exceptionnelle, mais voilà quoi. Alors, Michael, un Grand Prix est déjà une plainte. Les futurs Grands Prix de Vegas sont en danger Je te propose de laisser cette question directement auprès de F1i et autres médias du style. Non, pourquoi il sera en danger ? Enfin, c'est la F1 en personne qui choisit. Donc, s'ils veulent rentrer à Vegas, ils l'auront. Mais par contre, c'est vrai que là, c'est une catastrophe en termes d'organisation, ce qui s'est passé le vendredi. Bon, c'est une honte. Ouais. C'est surtout une honte. National Geographic Channel. Est-ce que Charles Leclerc avait aussi des problèmes avec la surchauffe en mode attaque, un peu comme Carlos Sainz, à qui on a demandé un peu de ralentir? Je crois pas tant avoir entendu parler. Après, il n'a pas passé beaucoup, beaucoup de temps dans le peloton, Leclerc, comparé à Sainz. Ou à d'autres pilotes. Généralement, fin du premier relais, quand il revient sur... parce que la surchauffe, on rappelle qu'elle est principalement due au fait d'être dans un peloton, parce que tu n'as pas d'air froid pour rafraîchir ton moteur, tes freins, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué. Mais encore une fois, avec les températures ambiantes qui étaient quand même très froides, enfin, pas très froides, mais très douces, on va dire... quand tu roules un peu normalement, t'as un problème de surchauffe, c'est que t'as un problème de voiture. Quoi. Tu n'arrives pas à trouver les documents sur les modifications apportées par les équipes aux voitures sur le site de la FIA. Où est-ce ? Ça t'intéresse ? Alors ? Eh ben j'ai ouvert. Tu l'as ? J'ai préparé un écran, ouais, pour le... Ouais, est-ce que tu peux montrer le cheminement pour y aller aussi ? Oh, si je ne me rappelle déjà plus. Bah, on va le faire ensemble alors. Parce que alors, c'est un bordel. Ah bah oui, super. Oui, voilà, moi je suis dans... Alors, ce que vous faites... C'est un bordel. Hein. FIA Decision Documents, normalement. Et voilà, Decision Documents. Il faut taper ça. Et c'est à partir de ce moment-là que vous retombez sur la page où j'étais déjà de base, hein, d'ailleurs. Voilà. Et donc, évidemment, là, vous avez Las Vegas Grand Prix, mais vous avez tous les Grands Prix qui sont répertoriés ici. Et après, donc vous avez même pour les saisons d'avant. Hein, alors jusque 2019, alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est peut-être sur les 5 dernières années ? Ouais, peut-être, je ne sais plus en vrai. Il y a aussi pour la F2 et la F3, si jamais ça en intéresse certains. Oui. Après, vous pouvez trier aussi par événement, évidemment, hein, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est Las Vegas Grand Prix. Si par exemple, on veut voir... bon, alors je vais faire comme si je n'avais pas ouvert ces onglets-là. On veut voir... Changement d'éléments moteurs pour la voiture 55. Voilà. On arrive à enlever l'onglet, on tombe dessus. Et sur X, / Twitter, il y a un compte, il y a un bot qui est programmé pour tweeter chaque fois que la FIA publie un truc. C'est... F1 document bot. Ouais, F1 document bot. Donc, si tu es sur le truc, tu peux t'abonner à ce compte. Et chaque fois que je vais mettre le lien dans le chat, et qui existe sur Instagram, dit Mylène aussi. Enfin, de ce que je comprends, de ce qu'elle dit. Voilà, donc ça publie littéralement tout. Donc, si tu veux suivre, tu as ça, c'est. Voilà. C'est vraiment très bien. J'arrive même pas à concevoir que la FIA n'ait pas eux-mêmes mis en place parce que leur présence sur les réseaux sociaux à la FIA est catastrophique. Elle est nulle. Oh, oui, nulle dans le sens dans vide. Zéro, vide, primaire quoi, du terme. Ouais. Y a rien. Les seuls moments où ils vont parler, c'est quand il va y avoir, sur les réseaux, c'est quand ils vont faire des déclarations. C'est les seuls moments où ils vont publier. Et ouais, c'est vrai que c'est assez surprenant parce que tu te dis que ouais, si tu veux suivre l'actualité sans avoir à stalker constamment le site FIA, il faut que tu comptes sur des gens qui le fassent à ta place, des journalistes type Chris Maitland, tous ces gars-là qui le font, ou même en France, Motorsport, Next Gen, tout ça, qui suivent de manière précise régulièrement. Donc voilà pour tout ça. Et on en voit beaucoup, hein. Il y a beaucoup de documents. Hein. C'est assez oui, c'est... Alors ça peut être imbuvable, hein. Il y a certains documents qui sont vraiment chiants. Oui, il y en a qui ne servent à rien. Mais il y en a des rigolos, genre d'ailleurs ils font une liste, ils vous disent, je pense que c'est celle-là par exemple. te dis, bah voilà, on a fait les vérifications sur les voitures là, 2077 et 20, on a fait ça aussi sur ces voitures là. Voilà les voitures qui ont été vérifiées. Ce qui a été vérifié sur ces voitures là. Après, c'est dit, rendu public, hein, mais techniquement, c'est pour les équipes, hein, c'est pour. Premièrement pour les équipes et puis c'est aussi pour. Un peu parce que la FIA est quand même un peu, c'est comme de l'arbitrage, ça permet de. Moi, je me rappelle de l'époque où tu avais tous les journalistes qui étaient regroupés, mais comme des pigeons qui attendent leur morceau de pain devant les bureaux de la FIA quand il y avait une décision. Et tu avais un des pingouins qui sortait avec tout plein de copiers, qui les distribuait comme ça et les gens se battaient pour avoir leur truc à lire, tu vois. C'était assez incroyable. Mais au moins, c'est sur Internet. Voilà. Et c'est forcément vrai parce que tout ce qui est sur Internet est vrai. Et petite astuce aussi pour ceux qui veulent plonger. Pardon, Srihoun, je t'ai dégagé. Donc là, vous partez de la base, vous allez dans Sport. World Championships. Formula One. Enfin, si vous voulez de la F1, il y a les autres aussi. Et ensuite, vous allez avoir tout de suite F1 Official Document ou Grand Prix de Las Vegas Document. Je crois que c'est là que je vais chercher. Donc, vous avez voilà tous les temps annulés, par exemple. Est-ce que... Non, c'est pas ça qui va m'intéresser, je crois. Utility Lab. Ou alors, c'est l'autre, Official Document. C'est pareil, attends. Ah non, c'est qu'il y en a un qui en va... Faut que je me rappelle, parce que il y a une nuance hyper bâtarde à voir et j'arrive jamais à m'y retrouver. Il y a un truc, l'endroit où tu récupères mais toutes les données sportives, genre les temps autour, tout ça. Je galère à chaque fois pour le retrouver, donc je me suis mis en favori quelque part si je m'y retrouve. FIA. Ouais, bah non, c'est bien ça. Championship final classification, bah ouais, voilà, ça c'est normal, donc c'est pas ça. Bon, ouais, non, mais c'est pas intéressant. Voilà. Ah, voilà, et tu vois, Strig, un résumé, hein. New PU Element for this competition. Ah oui, non, mais là on parlait des pièces remplacées. Ouais. Bon, bah, je retrouve pas, je me débrouillerai. Ah oui, tu cherchais quoi? Ouais. Non, moi je cherchais le. Tu sais, ils ont un résumé tour par tour, vitesse de pointe, tous ces trucs qu'ils publient. Une synthèse. C'est intéressant, mais c'est pas publié sur la même page et c'est très, très relou. C'est chiant, ouais. Bon, on va se dire au revoir sur ces bonnes paroles. Souhaiter bon appétit. Oui, j'ai faim. Ah oui. L'instant, il n'y aura pas de pronostic, hein, bien évidemment, puisqu'on est en fin de saison. Mais on va se garder. Je vais quand même donner les classements, puisque je suis sûr que ça va intéresser certaines personnes ici présentes. Puisque j'avais du retard, je les ai faits. Et attention. En tête du championnat du monde des pronostics, c'est Tim, avec 82 points. Attends, je vais afficher, en fait. Bah oui, affiche-le, oui. Oh, voilà. Un duel comme on n'en a pas vu depuis 2021, Verstappen à Hamilton. C'est fou. Bah, là, il n'y aura pas de Las Vegas puisqu'on n'a pas fait de pronostic. Ouais, ouais. Voilà. Ah là, voilà, c'est très très serré. Et après, il y a Strigoun qui est là. Oui, coucou Strigoun. En rose, c'est les codes de port qui ont fonctionné. Je crois que je m'en souviens. Tu m'as enlevé là, enfoiré là. J'en avais une de côte de port, moi. J'ai oublié de là. C'était celle, quand... du Mexique, là où j'avais dit Perez, il finit derrière Ricardo. Attends. Strigoun, Mexique. Ah oui, 11. Pardon, 75 points. Ah, tu vois, hop. Ah non, je les ai mis au mauvais endroit. Bon, tu vois, faudra que je chope. 3, 11, 4. 3, 11-4, ouais, c'est quelque chose comme ça. De toute façon, que je reprenne tout. Voilà, bon, bref, c'est, on s'en fout de Strigoun, en fait, hein, c'est nous qui importons avec Kim. Et bon, après, c'est serré quand même, on a Loïc et Gazou. Alors, Gazou, il ne participe plus, hein, vous aurez constaté, ça aide pas. Donc voilà. De toute façon, on avait tous eu une cote de porc au Mexique. Vous aviez dit Pérez finit pas le premier tour. Moi, j'avais dit Norris dans les points. Voilà. Ah ouais, donc voilà. Effectivement. Bon, on se retrouvera la semaine prochaine. C'est la dernière. Et la dernière. Avant-dernière. Courte. Ah oui, oui, oui. C'est la dernière courte de la saison. Et puis, bien, on a des émissions prévues quand même pour cette intersaison, ne vous inquiétez pas. On va faire un petit débrief. On fera un débrief F1, un débrief junior. Et puis, on a au minimum une émission spéciale grade 1 qui sera prévue. On aura entre autres quelques copains du Racing Café qui seront là. Et on va... essayer de débaucher Monsieur du Castellet pour venir faire le pointilleux. Enfin bon, merci tout le monde d'avoir passé cette matinée début d'après-midi en notre compagnie. On se fait des gros bisous. Le podcast en description. En épinglé pour soutenir Movember. Palpez-vous les boules. Santé masculine, très important. On a récolté 175 balles sur la campagne en ligne. Et j'ai lancé une campagne sur le compte Instagram Formule Blabla aussi, parce qu'on peut faire des campagnes, j'ai vu sur Instagram, et on a 55 euros dessus. Donc, on a passé la barre des 200 bouboules. Donc, merci de soutenir les bouboules, et très bonne nuit, très bon dimanche, et à bientôt.